Et si on jetait un œil sur la météo de votre week-end sur RMC? Et c'est avec Jérémy Souliman que je salue. Bonjour Jérémy. François, bonjour à tous. Et bien globalement aujourd'hui, c'est le soleil qui devrait dominer en France, François, et ça c'est une bonne nouvelle. Ce matin, on va retrouver encore pas mal de nuages dans le sud-ouest quand même, et sur toute la moitié nord du pays, et des nuages qui devraient laisser place au soleil. Il y a de très belles éclaircies en cours de journée, notamment cet après-midi. Quelques averses restent tout de même possibles en cours de journée, le long des côtes de la Manche, ou encore sur le relief des Vosges ou sur la Corse. D'ailleurs, le soleil devrait dominer. Attention tout de même à ces vents forts en Méditerranée. Le Mistral est en train de se lever. La Tramontane, devrait souffler jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles restent fraîches. Pensez à vous couvrir ce matin car les minimales sont comprises entre 5 et 9 degrés. Les maximales cet après-midi entre 14 et 24 degrés. On attend 15 degrés à Strasbourg et Lille, 17 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Marseille et 24 la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 8h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix du Japon. 14h45, rugby top 14, le derby Racing 92 Stade Français Paris, suivi à 18h30 des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le week-end des experts. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. 6h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François. Le cauchemar bulgare est oublié. Les Bleus du foot ont assez facilement gagné hier soir 4-1 face à la Bulgarie. Qualification pour la Coupe du Monde 2018. L'ouragan Matthew a laissé Haïti dévasté hier. Plus de 800 morts. Il est passé cette nuit sur la côte est des États-Unis. Et puis le référendum, dernier outil, dernière proposition de Nicolas Sarkozy. Il veut un scrutin sur le regroupement familial et sur les fichiers S. Il est 6h sur RMC. Bonjour à tous. Belle ambiance dans un stade de France quasi plein et des buts. Soirée de football idéale à Saint-Denis. Hier soir, les Bleus ont battu la Bulgarie 4-1. Des buts de Payet et surtout du duo Griezmann-Gamero. Nouveau couple à la mode, Georges Quirineau. Ils font les beaux jours de l'Atlético Madrid depuis le début de la saison. Depuis hier soir, Didier Deschamps sait que le duo marche aussi en équipe de France. Le sélectionneur a apprécié notamment le retour de Kevin Gamero, un doublé pour sa première titularisation en bleu depuis 5 ans. Il a été très intéressant dans ses déplacements avec Antoine. Ça a très bien fonctionné. Les deux joueurs s'apprécient beaucoup. Leur célébration des buts ensemble comme deux gamins le prouve. Oui, il y a une affinité, reconnaît Kevin Gamero. Pour que ça continue, après, ça fait très peu de temps qu'on se connaît. Il y a beaucoup de choses encore à peaufiner. Et maintenant, on essaie de chercher pour bien combiné, et si on peut le faire, tant mieux pour nous et surtout pour l'équipe. Gamero aime jouer avec Griezmann. Griezmann aime jouer avec Gamero. Moi pareil, j'adore jouer avec lui. Chaque ballon, à chaque fois que je me retournais, je le cherchais. Une complicité rare en sélection. Reste à savoir si Didier Deschamps voudra reconduire le duo lundi aux Pays-Bas. Voilà, 4-1, le score final hier soir, après avoir été mené 1-0 en début de match. Mais peu importe, pour Franck Leboeuf, il a aimé le spectacle. Je dirais que ça a été un bon match avec une belle animation, avec une équipe qui a l'habitude de pas très bien démarrer ses matchs, hein, qui se fait un petit peu peur, mais qui a prouvé sa supériorité, sa domination, sans se presser, en ayant une vraie pensée collective. Et certaines individualités sont ressorties parce qu'il y avait une vraie belle animation et une envie d'aller faire la différence. Et on a vu la supériorité de cette équipe de France face à la Bulgarie. Ah, voilà l'avis de Franck Leboeuf de la Dream Team. RMC, la suite de l'actu sport, le rugby notamment. C'est à la fin de ce journal. En difficulté, oui, mais toujours combatif. Nicolas Sarkozy jette de nouvelles propositions dans sa campagne à la primaire Les Républicains. Toujours plus à droite, hier soir, il dégainait le référendum, l'un sur l'internement administratif des personnes fichées S, et puis l'autre sur le regroupement familial. Je poserai donc par référendum cette question. Est-ce que les Français sont d'accord pour que nous supprimions le droit automatique au regroupement familial tant que l'Europe ne s'est pas dotée de frontières dignes de ce nom? C'est un débat sensible, fort, grave, important. Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2. Alors, quelle est cette stratégie de l'ancien président? Ce qui est sûr, Laurent Segre, c'est qu'il est dos au mur. Reprendre la main, c'est clairement son objectif face à un Alain Juppé donné vainqueur de la primaire par tous les sondages. Il faut aussi allumer un contre-feu après les révélations d'envoyé spécial sur ses comptes de campagne 2012. Récemment, Nicolas Sarkozy aurait confié à l'un de ses fidèles, un ancien ministre, « Ça sent le roussi, il faut que je retrouve la martingale ». On sent en tout cas une certaine fébrilité. L'ancien chef de l'État n'a pas attendu son grand meeting demain à Paris pour sortir de son chapeau ce double référendum. C'est faire le choix de la démocratie, a-t-il expliqué hier soir. La formule a en tout cas l'avantage de lui donner l'image d'un candidat du peuple. Les précisions de Laurent Sègre. Il n'est plus qu'un ouragan de catégorie 2, mais Matthew reste une menace. Cette nuit, il est passé sur la côte est des États-Unis. 4 personnes ont été tuées depuis hier, des millions de personnes évacuées. Avant cela, il a eu le temps de tout dévaster sur l'île d'Haïti. 10 ans après le séisme, l'ouragan a tué au moins 850 personnes. Grégory Leroy, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC en Haïti. Grégory, le bilan n'est que provisoire. Oui, c'est vrai que le provisoire est toujours coupé du reste du pays. Le Grand Sud vit de manière dramatique l'après Matthew. L'eau potable se fait de plus en plus rare. Les gens dorment à la belle étoile et les conditions sanitaires sont effroyables. Plus de 60 000 personnes entassées dans des abris provisoires. Des ONG sont à pied d'œuvre dans la région, mais elles ont peu de moyens. Et le gouvernement a annoncé ce vendredi l'envoi de 50 tonnes d'aide qui ne sont toujours pas encore arrivées dans le sud. Outre ce désastre qui sévit dans la zone, les sinistrés ne sont pas au bout de leur peine puisque plus d'une douzaine de cas de choléra ont été recensés dans la région pas plus tard que ce matin. Les précisions de Grégory Leroy, le correspondant d'RMC en Haïti. C'est cet après-midi que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, le sort de la ville d'Alep en Syrie entre ses mains. Un texte visant à instaurer un cessez-le-feu sur place doit être voté, texte russe, sans la mention d'arrêt des bombardements, ou plus ambitieux, le texte français, mais là, Moscou refuse de s'engager. C'est la deuxième fois en une semaine des coups de feu tirés contre un futur centre d'accueil de migrants. Jeudi en Isère, hier à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, deux centres qui doivent accueillir des réfugiés venus de Calais, mais pas d'inquiétude pour l'Office français de l'immigration en charge de ces centres. Ces attaques sont à la marge, selon Didier Léchy, le directeur général. Dans certains endroits aujourd'hui, il y a des petits groupes qui manifestent une hostilité. Par rapport au nombre, ça reste très minoritaire. Je rappelle qu'on est déjà à plus de 160 centres d'accueil et d'orientation disséminés à travers le territoire national. Et globalement, les choses se passent plutôt bien. Là, on parle de 9000 personnes supplémentaires par rapport à un nombre déjà d'hébergés qui est important. Et 9000 répartis sur le territoire national, c'est en réalité peu de choses. 335 morts sur la route au moins en septembre dernier. Décidément, le gouvernement a beaucoup de mal avec les chiffres de la sécurité routière. Mois de septembre terrible, 78 victimes de plus que l'an dernier. Baisse de dotation de l'État, désertification médicale, services publics qui quittent les lieux. La vie des maires ruraux est un sacerdoce. Ils se réunissent tout le week-end pour en parler justement. Congrès annuel dans la Loire. Et pour faire vivre sa commune de moins de 3500 habitants, il faut donc se démener. Certains y arrivent, à Flagy, en Seine-et-Marne par exemple. Le maire tente tout, y compris le cinéma, Clément Fraioli. Oui, certaines scènes se sont même tournées dans le café du village. Un café redécoré pour l'occasion, comme l'explique Jacques Drouin, le maire de Flagy. Ce comptoir a été complètement refait. Le papier, alors j'ai cru comprendre qu'il venait d'Angleterre. Ils ont donc complètement tapissé tous ces murs. Une expérience inoubliable pour Marie, la patronne. Accueillir deux stars dans le village, dans mon établissement, c'est quand même sensationnel. Et l'action du maire ne s'arrête pas là. Sur la place du village, par exemple, une borne de recharge pour les voitures électriques a été installée il y a 2 ans. L'écologie, c'est un des fers de lance du maire. On a mis en place du transport à la demande avec uniquement des véhicules électriques. C'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est tout cela qui fait sortir Flagy du lot des autres communes de la région, selon Christian, habitant du village. Si se passe quelque chose, c'est à Flagy. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes la capitale du sud de Seine-et-Marne. Et cette capitale ne compte pas s'arrêter là. Le maire prévoit de créer des espaces de coworking afin d'attirer les start-up à Flagy. Le reportage de Clément Fraioli, 6h07 sur RMC. Le rugby, 8e journée de top 14 ce week-end. L'affiche du jour, duel francilien, Racing, Stade français, le Racing qui a vécu la tempête cette semaine. Détection de traces de corticoïdes chez plusieurs joueurs lors de la finale du top 14 la saison dernière. Et puis finalement, Pierrick Tête, beaucoup de bruit pour rien. Oui, car tout a été fait dans les règles. C'est le médecin-chef de l'antidopage à la Fédération française de rugby qui nous l'affirme. Finale du top 14, Imhoff, Carter et Rocco Soko sont contrôlés comme tous leurs coéquipiers. Des corticoïdes sont retrouvés dans leurs urines sans qu'aucune autorisation à usage thérapeutique ne leur ait été accordée. Sauf qu'à ce moment-là, le médecin du club prévient les contrôleurs qu'une injection a été faite quelques jours auparavant, ce qui est autorisé à condition d'apporter a posteriori des raisons qui justifient ces injections. Le comité médical de la Fédération se réunira la semaine prochaine pour statuer, sans doute pour lever toute suspicion autour des joueurs du Racing. La Formule 1, c'est ce matin sur RMC. Nous sommes au Japon, Grand Prix de Suzuka. Les qualifications, c'est à partir de 8h en direct et en intégralité sur RMC. 6h08. François oui. Sorel, bonjour. Mais bonjour, mon cher Thomas. Et avant le vrombissement des Formule 1, on va être dans le calme du jardin. Oui, voilà. Bien. Avec auparavant, bien évidemment, le tiercé quarté quintet plus de cet après-midi à Chantilly. Sébastien Darras nous conseille le 9 Relaxed Boy et le 2 Royal Vati. Brahim Asloum aime bien le 14 The Je suis Charlie. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 2 Kalina et le 5 Efferatus. Le 9, le 2, le 14, le 12 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h09. Merci d'être avec nous et bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve pour le week-end des experts. Chaque samedi et dimanche, on est là. Animaux, automobiles le dimanche, tout à l'heure ce sera la maison et le jardin pour débuter. Un week-end des experts un peu particulier les amis. Et oui, parce que se déroule ce week-end le Grand Prix de Formule 1 au Japon, le Grand Prix de Suzuka. Et vous savez quoi, avec le décalage horaire, bim, ça tombe en plein milieu de nos émissions du week-end, dites donc. Donc, on va être un petit peu chamboulé. Une heure de maison tout à l'heure, puisque vous vivrez les essais qualificatifs de ce Grand Prix à partir de 8h. On viendra avec Christian à partir de 9h. Et demain, alors là demain, ça sera un petit peu plus compliqué pour nous. C'est-à-dire qu'on aura une heure d'animaux et puis on reviendra en toute fin de matinale pour un petit peu moins d'une heure, si tout va bien, dédié à l'automobile. Et on parlera du mondial de l'auto, bien sûr, avec Jean-Luc Moreau. Voilà, vous savez tout. En tout cas, on est ravis d'être là. Le 3216, jardin@rmc.fr. Et j'oublie quelque chose. Attendez, qu'est-ce que j'oublie peut-être, attendez, on a donné le numéro de téléphone, on a donné le mail. J'ai failli oublier Patrick Miolan. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue au jardin. Je pense que j'étais transparent ce matin. J'ai une faculté comme ça, le matin de bonne heure. Le jardinier invisible. Voilà. Ça peut être pratique, le jardinier invisible. Oui, on n'a pas besoin beaucoup de se cacher. Oui, c'est vrai. On a tendance d'ailleurs dans nos jardins peut-être à se cacher un peu trop. On met des grosses haies, ça coupe un peu le paysage. Enfin, ça apporte les oiseaux. Les oiseaux aiment bien les haies. Donc en fait, voilà, faut savoir. Comment ça va, Patrick? Bah très bien, parce que bon, on a quand même, même si on a quand même senti l'automne là cette semaine, on a un temps qui est assez agréable et qui permet les activités jardinières. Mais et avec un contraste de température assez. C'est caractéristique assez élevé, de l'automne. Ouais, c'est on a des grosses amplitudes entre la matinée et la soirée. Alors, petit conseil pour démarrer tout de suite l'émission, on n'arrose plus le soir maintenant, bien non, évidemment. Fini. On arrose plutôt en milieu de matinée. D'accord. Et on arrose puisque ça fait un moment qu'il ne pleut pas, du moins dans pas mal de régions. Hein. Alors on se dit, bon, c'est vrai, c'est bon, il fait frais, mais malgré tout, il faut de l'eau. Hein. Alors moi, j'ai constaté ça. Vous savez, j'ai toujours mes indicateurs, ce sont les hydrangeas, donc les hortensias. Oui. Dès que je vois que les feuilles tombent vers le bas, je me dis, l'ensemble du jardin va avoir un peu soif. Voilà, mais on arrose moins souvent aussi maintenant, hein, parce que quand même, le maximum, là, on va avoir quoi, une vingtaine de degrés dans le sud, une quinzaine dans le nord. Ça veut dire qu'on ne peut arroser qu'une seule fois par semaine. Oui. Hein, voilà, c'est pas la peine même d'y aller. Même s'il y a du soleil, même s'il fait beau, il n'y a pas de problème. Bah, ça dépend, bien sûr, l'exposition que vous avez, on va dire, mais pas plus de deux fois. Voilà, tout cas, on parlera tout à l'heure de la météo du jardinier, bien évidemment. Vos questions jardin au 32-16. Paulette est déjà là. Elle veut nous parler de ses néfliers du Japon. Et puis, sachez que tout à l'heure, entre 7 et 8, eh bien, nous allons évoquer les bouquets de fleurs. Comment acheter votre bouquet de fleurs? On va avoir pas mal de conseils tout à l'heure. Bah, surtout qu'on sait jamais tellement d'où viennent les fleurs, comment elles ont été produites, est-ce qu'il y a longtemps qu'elles traînent dans les transports et dans les magasins, est-ce qu'elles vont durer longtemps, est-ce qu'il y a des labels de qualité qui nous permettent de réviser tout ça. Puis j'aimerais qu'on finisse cette émission, d'ailleurs ça peut vous intéresser les uns et les autres, c'est est-ce que le métier de fleuriste est un métier d'avenir, est-ce que l'on peut, d'ailleurs comment est-ce qu'on devient fleuriste, est-ce que demain on pourra continuer à être fleuriste, ou est-ce que c'est la grande distribution et internet qui ont tout bouffé. On verra ça tout à l'heure, entre 7h et 8h. Et bien sûr, vous pourrez nous donner aussi vos petites astuces, pourquoi pas, pour conserver vos bouquets de fleurs. Ça, c'est très sympa. Donc, dès maintenant, 3216 ou jardin@rmc.fr. On y va, c'est parti. Paulette est là. Bonjour, Paulette. Bonjour, monsieur. Bonne journée. Bonjour, Paulette. Bienvenue, Paulette. On vous écoute. Avec nous. Oui, j'avais acheté en grande surface des nèfles du Japon. Oui. Et j'ai trouvé que les noyaux étaient super. C'est vrai qu'ils ont une belle couleur, ils sont tout doux. Et je me suis dit, bah, foutu pour foutu, quitte à les mettre à la poubelle, je les ai mis dans du terreau. Oui. Et je me trouve avec deux jardinières de 50 cm bah, qui buissonnent gentiment. Seulement, je ne sais plus quoi en faire maintenant. Vous habitez où, Paulette ? En Haute-Saône. En Haute-Saône, ouais, ça va être un peu peut-être compliqué. Vous avez un grand jardin ? J'ai de la place, oui. Parce que bon, le néflier du Japon, c'est un très bel arbuste. Hein. C'est un arbuste à feuillage persistant, dont les feuilles sont allongées, elles sont assez gaufrées, et qui prend une ampleur, on va dire... Allez, autour de 3 mètres maximum, mais c'est assez arrondi, donc ça prend quand même de l'espace. Mmh. En revanche, en Haute-Saône, ça va avoir un peu froid, parce que c'est quand même une plante qui va mieux dans les régions méditerranéennes ou semi-méditerranéennes. De toute façon, en Haute-Saône, vous aurez peut-être des problèmes pour obtenir des fruits, mais vous pouvez, si vous le mettez bien à l'abri. Donc à bien à l'abri, ça veut dire quoi ? C'est dans un angle de mur, dans un... près d'une maison, alors bien sûr à une exposition bien ensoleillée. Alors, ils ont quelle hauteur vos plants de néfliers actuellement ? Maximum 15 cm. Alors, on va les garder pendant tout l'hiver bien à l'abri, alors pas forcément à la maison parce qu'ils risquent d'avoir un petit peu chaud, mais si vous pouvez les mettre dehors dans un endroit abrité avec un châssis, une cloche, un petit tunnel dessus, ça sera très très bien. Sans oublier évidemment de les arroser de temps en temps pour qu'ils passent quand même l'hiver prochain dans une condition un petit peu douce. Et au printemps seulement, vous pourrez commencer à les mettre vraiment en pleine terre. Alors, un sol pas forcément extraordinaire, hein, ça pousse dans des terres, alors drainantes en revanche, hein, si vous avez un sol qui est très... On a une terre de sable. Ah bah, ils vont aimer. Alors, on apporte quand même de la matière organique au moment de la plantation, parce que le sable, c'est vraiment particulièrement pauvre. C'est une terre légère, quoi, voilà. Voilà, mais ça aime bien les terres légères, donc il va aimer. Et puis, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, plein soleil et à l'abri du vent. Mais bon, bah voilà, vous avez réussi une petite plantation, c'est toujours sympa. Après, peut-être que si vous en avez, je sais pas, une dizaine, faut peut-être pas tous les mettre au jardin, parce que sinon, ça va ressembler un peu à une forêt vierge. Oui, non, mais j'ai un terrain que je souhaitais un peu occuper, donc là, ça va pas de problème. Au niveau de l'ensoleillement, j'ai pas de soucis. Par contre, ça va être au cas de vent, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont quand même... Je m'attends pas à avoir des fruits, ça c'est clair, vu le climat. Mais est-ce que je peux quand même espérer qu'ils arrivent à pousser, puis à... Au 80, vous allez les faire geler. Il faudrait qu'ils soient abrités par une haie ou par une plante plus rustique autour, parce que sinon, ça va pas le faire. Ils vont pas pousser du tout. C'est pas ça, mais ils vont geler. Donc ils vont pas supporter, ils risquent de disparaître, surtout quand ils sont jeunes. Une fois qu'ils ont bien prospéré, moi je ferais un truc, c'est que j'en garderais 2-3 dans des pots, un petit peu en secours comme ça, en les replantant au printemps dans des pots un peu plus grands, dans un bon terreau drainant, parce que moi en Haute-Saône j'en ai pas vu beaucoup, hein, des néfliers du Japon. Non mais je m'étais un petit peu renseigné comme ça sur le net. C'est vrai qu'au niveau des fruits, fallait pas que j'espère beaucoup, quoi. Mais non seulement les fruits, mais vous pouvez avoir la plante qui, bah, tout simplement, elle est pas dans son climat. Donc si vous avez un coup de moins 12, à mon avis, il va pas aimer, hein. Alors ne vous inquiétez pas particulièrement si vous voyez quelques feuilles qui prennent des taches noires ou marron à la fin de l'hiver, parce que ça voudra dire que la plante réagit à ce climat un peu dur et elle redémarrera. Mais quand même, bon, moi je dirais que je suis à la limite de dire que ça va pas marcher, quoi. Ah bah c'est bien, j'ai pas l'espoir, c'est génial. Imaginez que vous m'appeliez, que vous me disiez, vous savez, j'ai acheté nos noix de coco, je les ai plantées, puis tout d'un coup j'ai des pousses, est-ce que je vais pouvoir les mettre ? Alors on n'est pas dans cet extrême-là, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que toutes les plantes ont quand même des exigences climatiques. Dans votre région, il vaut mieux planter des charmes, des bouleaux, des troènes, des lilas, vous voyez, des plantes qui sont vraiment connues pour leur rusticité, que des néfliers du Japon qui poussent quand même beaucoup mieux dans le pays méditerranéen. Voilà. Ouais, donc je peux en garder quelques-uns en pot, les mettant sous abri l'hiver. Exactement, ça marchera certainement beaucoup mieux. Parce qu'après, bien entendu, pendant la période estivale, ils seront très très beaux, ils n'auront aucun problème. D'accord. Ben, c'est les commerçants qui vont être contents parce que j'en ai une trentaine, ça fait trentaine de pots plus le terreau, c'est génial. Mais donnez-en à des amis. Vous allez faire travailler. tout le quartier. Ouais, ok. Merci Paulette. Bonne journée, merci, bonne journée. À très bientôt. Au revoir. 6h18, vous restez avec nous. C'était RMC. Serge nous rejoint dans un instant. Il va nous parler de ses salades. Visiblement, il a un problème. Et le 3216 est toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler le 3216 ou bien jardin@rmc.fr. À tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Souvent qualifiée de fonceuse au langage viril, Nathalie Kosciusko-Morizet est aussi féministe qu'experte de la rupture. Portrait de celle qui paraît tout et son contraire. NKM La Singulière, un document inédit, lundi à 22h25. France 3, vous êtes au bon endroit. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Vous êtes toujours avec nous, vous faites bien, peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. Bon week-end et merci d'être là. C'est comme chaque samedi et dimanche, le week-end des experts. On passe un bon moment avec les meilleurs experts de France. Et là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin. Et on salue tous ceux qui travaillent ce samedi matin, qui sont d'ores et déjà avec nous. La météo, les infos dans quelques instants. Mais on poursuit, Patrick, avec les questions et on accueille Serge. Avec plaisir. Bonjour Serge. Bonjour François, bonjour Patrick. Bonjour Serge, bienvenue avec nous. Merci. J'ai une question, je fais du jardin, bien sûr amateur. J'ai fait des salades, la chicorée escarole. Je n'arrive pas à l'avoir, à l'amener à terme. Elle coule, elle jaunit et elle disparaît. Alors, c'est à l'état de plantule ? Explique-moi là. C'est-à-dire plantule, c'est quand vous avez la germination, vous avez ce qu'on appelle une plantule, c'est une toute petite plante qui commence à pousser, puis après on fait un repiquage. Non, autant que j'achète celle en jardinerie, en godet, là. Oui. C'est pareil, il arrive la même chose. Là, j'en avais 24, ils ont pratiquement tous disparu. Et même mon plan personnel que je fais du semi et tout ça, arrive à avoir ça aussi, quand je repique, bien sûr. Au moment du repiquage, après le repiquage. Après le repiquage. Donc ça veut dire plutôt que vous avez un problème au niveau du sol, dans ces cas-là. Parce que bon, souvent, les jaunissements sur les salades, qui sont fréquents, hein, il faut bien le dire, sont liés à des parce qu'il y en a plusieurs maladies à virus, et qui sont transmises plutôt parce que soit on fait ses graines soi-même, donc ça c'est pas un truc que je recommande, c'est la grande mode, je sais, chez les jardiniers bio, mais récolter ses propres graines, c'est la meilleure façon de transmettre des maladies à virus. Bon, dans le cas où vous expliquez que vous achetez des plants en jardinerie, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont obligatoirement contrôlés et doivent être indemnes de virus. Donc dans ces cas-là, soit vous avez des pucerons des racines. Et c'est quelque chose que l'on voit pas facilement sur les salades, parce qu'en fait, évidemment, ça attaque les racines. Soit il peut y avoir aussi, alors plus normalement sur les laitues, mais une sorte de mildiou qu'on appelle le brémia. Soit vous avez d'autres maladies, cryptogamiques, différentes, en fait, un peu compliquées, parce que le jaunissement, c'est pas quelque chose de très symptomatique. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais les problèmes peuvent être extrêmement multiples. Moi, ce que je ferais dans votre cas, d'abord, c'est vraiment respecter une rotation des cultures. Donc, ne jamais remettre les plantes dans le même endroit. Je m'efforce, mais bon, voilà. ça peut arriver, ça. C'est pas si facile, voilà. Non. Bon, mais déjà ça. Après, je dirais que si on a vraiment des problèmes, et c'est que sur les salades. Oui. Particulièrement, c'est là que c'est flagrant. Alors, faites un truc, c'est que sur tous les endroits où vous avez planté des salades, faites une saison de pommes de terre. La pomme de terre est un légume qui est considéré comme nettoyant, c'est-à-dire qui est assez gourmand en beaucoup de nutriments, mais aussi qui est particulier, c'est-à-dire qui peut avoir plein de maladies, mais pas celle des autres. Donc ça permettra déjà un assolement. Après, faites quand même des apports. Vous utilisez votre propre compost ou vous mettez des amendements du commerce? Plutôt des amendements du commerce. Vous en mettez beaucoup de matière organique? Non. Bon, dans ces cas-là, moi je dirais je ferais un bon apport de compost du commerce, style or brun, secret vert, des choses comme ça, ou même de fumier en granulé, bien décomposé, maintenant, pour pouvoir être sûr que ça va avoir été absorbé par le sol. Et puis, faire un bon bêchage. Le sol, il est drainant ou il est lourd? Oui, il est plutôt lourd. Hein, ouais, voilà. Bah, il y a des sources. En fait, je crains que vous ayez en fait une sorte de maladie cryptogamique résiduelle ou même une virose résiduelle qui profite de ce sol. Parce que quand on a un sol compact, on n'est pas très content au niveau du jardinier parce que c'est plus compliqué à travailler. Sauf que ça a un gros avantage, c'est que ça conserve les nutriments, ça donne une grosse richesse, mais ça donne la richesse aussi pour tout ce qui est pas bien. Donc on n'est jamais content, mais c'est un peu comme ça. Donc dans ces cas-là, essayez de bien le travailler, ce terrain, essayez qu'il soit un peu plus poreux. Et puis faites vos salades dans une partie qu'on n'a pas reçue depuis au moins 2-3 ans, ça serait l'idéal. Là, il y a eu des pommes de terre, donc je veux pouvoir les... Voilà, essayez avec ça. Ouais, ça devait... Mais sinon, après, malheureusement, nous n'avons pas de solution. Alors si, ce que vous pouvez faire quand même, c'est tremper vos plants de salade au moment du repiquage dans une solution d'eau de Javel à 10%. Ça permet quand même de créer une sorte de protection sanitaire. Alors, c'est pas de la panacée universelle, mais ça peut donner des résultats. Merci en tout cas, Serge, pour votre appel. On enchaîne avec Claude maintenant. Et après les salades, c'est les tomates. Bonjour Claude. Oui, bonjour Patrick. Bonjour François. Bonjour Claude, bonjour, bienvenue. Docteur. Alors donc, moi, mon problème, c'est que j'ai des tomates avec les culs noirs. Oui. Et donc, j'ai lu que ça proviendrait éventuellement d'un arrosage irrégulier. Oui. J'arrosais mes tomates tous les 3 jours cet été et... Et voilà, alors donc il y a peut-être autre chose. Non mais alors, tous les trois jours, je vous arrête tout de suite, Claude. Tous les trois jours cet été, lorsqu'on a eu des fortes canicules, c'était un arrosage irrégulier, parce que c'était tous les jours qu'il fallait le faire. Hein. Ah bon, d'accord. Ah bah attendez, je le dis très souvent sur cette antenne, lorsqu'on est entre 25 et 28 degrés de température, je conseille qu'on arrose tous les 2 jours. Lorsqu'on dépasse les 28 degrés, et a fortiori les 30, il faut arroser tous les soirs. Hein, mais parce qu'on dit aussi qu'il faut aussi laisser souffrir la plante. Non. Je suis d'accord avec vous. Quand je parle des orchidées, quand je parle de certaines plantes d'ornement, oui. Sur les tomates, vous êtes dans un process de production. Donc vous devez avoir une culture qui est sans à-coups, une culture qui est tonifiée, une culture qui demande à ce que la plante soit au maximum de sa santé pour qu'elle vous produise des fruits. Parce que ça demande beaucoup d'énergie à la plante. Faire des feuilles, c'est rien du tout. Faire des fleurs, c'est déjà un peu plus. Mais faire des fruits, et surtout des belles grosses tomates bien juteuses, c'est beaucoup de boulot pour la plante. Donc il faut être aux petits soins pour elle. Ça, c'est important. Mm-hmm. Et sachez donc que le cul noir, qu'on appelle aussi blossom and rot, c'est-à-dire donc le noircissement du bas, c'est une carence en calcium. Donc si vous mettez trop d'amendements organiques, notamment des composts qui ont tendance à acidifier le sol, il faut rééquilibrer par un chaulage, il faut apporter de la chaux dans votre terre pour qu'elle ne soit pas en déficit calcique, parce que c'est aussi ça qui crée cette pourriture apicale, comme on dit en français, ou alors effectivement le cul noir. Oui, mais alors, en fait, le cul noir, je l'ai surtout eu sur les andines cornues. À côté, j'avais des fournaises, j'avais des jaunes, des lemon boys, j'ai eu des ananas, j'ai eu des noirs de Crimée. Mais eux, ils n'ont pas été touchés par le cul noir. Et pourtant, ils avaient le même arrosage. Oui, mais comme toutes les plantes, vous avez des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Et vous avez cité la cornue des Andes, qui est vraiment une tomate sur laquelle on voit presque tout le temps cette pourriture apicale. C'est vrai que... Alors, il y a des variétés modernes qui remplacent, en fait, ces variétés anciennes qui... ont des défauts, parce que contrairement à ce que l'on raconte en permanence, notamment dans la presse plus ou moins jardin, les variétés anciennes aujourd'hui sont toutes largement dépassées, ou presque toutes. On trouve des améliorations en permanence. Et sur les cornues, il y a des variétés qui ont été créées et qui sont plus résistantes à ce type de problème. Merci Claude. Patrick, bientôt 6h30, la météo, les infos, on revient, on poursuit avec vos questions jardin au 32-16. On va retrouver aussi la météo du jardinier. Patrick a scruté les cartes de Météo France, il va nous dire un petit peu ce qui nous attend pour les jours qui viennent. Et puis bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous joindre 32-16. On vous attend, à tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. RMC, ce week-end, les Formule 1 roulent à Suzuka. Pour le Grand Prix du Japon, ce matin à 8h, les qualifs, et demain dès 7h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Twingo est à partir de 99€ par mois, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. Et c'est avec Jérémy Soulivan qu'on fait un point complet sur la météo de ce week-end. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, globalement, le soleil va dominer sur une bonne partie de la France aujourd'hui. Bon, ce matin, on va quand même retrouver encore quelques nuages au sud de la Garonne et sur toute la moitié nord du pays. Partout ailleurs, eh bien, le soleil devrait être au rendez-vous. À noter tout de même quelques averses très localisées possibles en Corse et le long des côtes de la Manche. Cet après-midi, le soleil devrait encore gagner du terrain et les éclaircies dominer sur toute la moitié nord du pays. On attend également quelques gouttes quand même sur la Corse, le long des côtes de la Manche, mais aussi sur le relief des Vosges, partout ailleurs, du soleil. Attention tout de même à ces vents en Méditerranée. Le Mistral est justement en train de se lever. La tramontane devrait souffler jusqu'à 70 km/h aujourd'hui. Les températures, elles restent fraîches. Pensez à vous couvrir ce matin car les minimales sont comprises entre 5 et 9 degrés. Les maximales cet après-midi entre 14 et 24. On attend 15 degrés à Strasbourg et à Lille, 17 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Marseille, 24 la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. C'est RMC. Précisément 6h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 4-1, il y avait du spectacle hier soir sur la pelouse du Stade de France. Victoire des Bleus du foot face à la Bulgarie. Payet, Griezmann, doublé de Gamero. Prochain rendez-vous avec les Bleus lundi face aux Pays-Bas. Le sport, c'est aussi le rugby, le top 14, 8e journée, le choc du jour. Il est francilien, Stade français face au Racing Métro. 2 référendums, 2 nouvelles propositions du candidat Nicolas Sarkozy. Il était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Le candidat à la primaire, les Républicains, souhaite organiser 2 scrutins dès la fin de l'élection présidentielle. Scrutin sur le regroupement familial et sur l'internement des fichiers S. Un coup de pouce fiscal, mais cette fois-ci à destination des associations. C'est Manuel Valls qui l'a annoncé hier soir. Il souhaite, d'ici le 1er janvier 2017, créer une sorte de CICE pour le secteur. Plus 1,6% l'augmentation du prix du gaz. C'est une information du Figaro. Augmentation effective au début du mois de novembre. Cela concerne 7 millions de foyers. L'ouragan Matthew, il a perdu de sa puissance lors de son passage sur la côte est des États-Unis. Quatre personnes ont malgré tout perdu la vie. Mais c'est en Haïti qu'il a tout ravagé. Près de 900 morts sur l'île et le bilan n'est que provisoire. C'est cet après-midi que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit. Le sort de la ville d'Alep en Syrie entre ses mains. Un texte visant à instaurer un cessez-le-feu doit être voté. Texte russe sans la mention d'arrêt des bombardements. Ou plus ambitieux, le texte français. Mais là, Moscou refuse de s'engager. 6h31 sur RMC. Vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel, votre jardin, messieurs. Merci beaucoup Thomas. Prochain point sur l'actu, ce sera bien sûr à 7h. On repart dans notre univers jardin. Patrick est là, le 32-16 à votre disposition. Appelez-nous les amis, à tout de suite. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps. Attention, monsieur Miu Miu! Oui, oui, oui! Il est temps de retrouver notre question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Boumediene qui habite Colmar. Les feuilles de mes asters sont devenues toutes blanches, Patrick. Comment remédier à ce problème? Alors ça, c'est le mal du moment. Il est certain que on a, au matin, même si nous sommes plutôt dans une période un peu sèche, avec les différences thermiques dont on parlait au tout début de l'émission, nous avons systématiquement le matin une forte hygrométrie. Donc vous avez de l'humidité qui se dépose sur les feuilles et ce sont les conditions les plus favorables pour la germination des spores d'un champignon, enfin je devrais dire de différents champignons, on dit des mycètes aujourd'hui, qui sont vraiment spécifiques souvent sur certaines plantes. Alors les asters font partie des plantes les plus attaquées, de même que les groseilliers, les fraisiers, ouais, les rosiers, les cucurbitacées par exemple. Il n'est pas possible d'avoir des courges sans avoir de l'oïdium sur les feuilles. Alors sur certaines plantes ça fait pas grand chose, je parlais des courges, ça fait pas grand chose. Sur les asters, ça bloque complètement la végétation et ça peut réduire ou même anéantir la floraison, donc il faut traiter. Alors on va traiter avec quoi? Bah, biologiquement on va traiter avec du soufre. Le soufre qui est un minéral naturel et qui est très efficace, surtout en cette saison, pour éliminer les oïdiums. Alors, pour que ce soit vraiment très valable, attendez le milieu de la journée que les feuilles soient bien sèches. Si vous pulvérisez sur des feuilles mouillées, bah c'est peu efficace. Alors, attention aussi, dans les régions les plus du sud, eh bien, quand il fait plus de 25 degrés, le soufre brûle les plantes. Donc, dans ces cas-là, on utilise plutôt des fongicides de synthèse, mais il y en a évidemment de moins en moins. Donc, restez sur le soufre, vous verrez, vous le regretterez pas. Et le 32-16 jardin@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 732-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h25. C'est RMC, c'est le week-end des experts, votre rendez-vous jardin jusqu'à 8h. À partir de 8h, même un petit peu avant, vous retrouverez les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon avec toute la Dream Team F1 d'RMC. Patrick est là à mes côtés, on attend vos questions. 3216 jardin@rmc.fr. Et tout à l'heure, Patrick, entre 7h et 8h, nous allons parler des bouquets de fleurs. Voilà, on va essayer d'expliquer où... Est-ce qu'on peut les acheter partout? Est-ce que la qualité est la même partout? Comment repérer la qualité des fleurs? Comment les conserver le plus longtemps possible? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des bouquets tout faits ou des fleurs individuelles? Est-ce que les fleurs, c'est pas un petit peu trop cher? Moi, je voudrais poser aussi cette question-là. Oui. Parce que c'est vrai, parfois, ça dure pas assez longtemps, etc. Et puis, on parlera en fin d'émission aussi du métier de fleuriste. Donc, si vous avez l'intention, par exemple, de faire suivre à votre enfant un cursus de fleuriste, ou si vous-même avez envie de vous lancer dans la fleur, eh ben, écoutez, appelez parce qu'on aura vraiment deux très bons experts. Voilà, ce sera tout à l'heure entre 7h et 8h. Comment confectionner un bouquet de fleurs? Comment les conserver aussi plus longtemps? Si vous avez justement des questions, même des petites astuces, des témoignages, n'hésitez pas. Est-ce que vous faites confiance à votre fleuriste, par exemple, lorsque vous allez chez le... si vous avez envie de vous faire un bouquet, ou est-ce que vous le faites vous-même? Voilà, toutes ces questions, le 32-16, dès maintenant, on vous attend. Mais dans l'immédiat, avant de retrouver la météo du jardinier, c'est Colette que nous accueillons. Bonjour Colette. Bonjour Mimio, bonjour François. Bonjour Colette, bienvenue. Bonjour Colette. Voilà, alors, j'ai un gros souci pour mon citronnier. Oui. Donc, les feuilles, les petites feuilles se recroquevillent. Quand on ouvre, ça forme une pellicule transparente. Une pellicule comment, excusez-moi? Une pellicule comment? Transparente. Transparente. Transparente. Oui. Collante ou pas? Non. Oui. C'est pas collant, apparemment. Et sur les grosses feuilles qui ont réussi à pousser, et c'est comme si c'était mangé ou brûlé. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de limaces, là? De grosses limaces? Non. C'est ça le piège. C'est que la plupart du temps, les limaces attaquent la nuit et les plus virulentes sont des toutes petites limaces qui font quoi? 1,5 cm, qui sont grises. Ils sont en pot, vos citronniers? Oui. Oui, alors moi ce que je ferais, c'est que je soulèverais les pots pour regarder en dessous. Mmh. Parce que très souvent, c'est là qu'on a les limaces qui passent la journée. On peut aussi gratouiller un peu les premiers centimètres du terreau pour voir s'il n'y en a pas à l'intérieur. Mais toute façon, ça sera pas gênant. Vous pouvez très bien mettre quelques granulés anti-limaces à la surface du pot. Donc, il y a des produits aujourd'hui, si vous avez des animaux familiers qui sont totalement sans danger, à base de phosphate ferrique, ça s'appelle du ferramol. Ça, c'est efficace et sans danger. Donc, j'ai pas vu d'image, donc je peux pas être sûr à 100%, mais le fait d'avoir une espèce de vous dites une pellicule transparente, c'est comme une sorte de bave, je dirais, et ça souvent c'est la trace que laissent les limaces après leur passage. Bon, le fait que la feuille se recroqueville, c'est pas forcément symptomatique, mais après, quand vous avez des découpages très irréguliers, assez importants, c'est forcément, ça a été rongé par un animal. Et ça forme, et sur les grosses feuilles et tout ça, ça forme comme s'il y avait un petit passage, vous avez des dessins dessus. Oui, je pense qu'on a bien cerné le problème, donc il faut traiter contre les limaces, avec ce produit dont je vous ai parlé et qui est naturel, parce que c'est étonnant, hein, parfois on se demande, moi je l'ai eu sur des orchidées dans une véranda, vous vous rendez compte, on se disait mais c'est pas possible, les orchidées sont sur une table, on est dans la véranda. Et on avait des limaces qui venaient la nuit et qui en profitaient pour nous dévorer de nos plantes. Donc ça, attention, c'est quand même encore en attaque. Alors maintenant, si la température baisse pas mal, vous allez assister quand même à un arrêt des dégâts. Hein. Oui, mais là, je coupe toutes les petites feuilles parce que elles sont minables, quoi. Et je n'ai pas de citron, bien entendu, parce que je dépointe. Et donc, du coup, la plante, elle fleurit pas. Il faut vraiment le passer à l'action, là. Donc, je vous remercie. Eh bien, merci à vous, Colette. Bonne journée. Vous aussi. Ah, le citronnier, c'est pas facile, hein. C'est pas lié au citronnier, c'est lié simplement à. Les limaces, c'est pas facile. Ouais. Parce que les limaces, vous avez beau traiter tous les ans. Ouais. Ça revient toujours. Donc on arrive juste à limiter les dégâts. Hein. Colette, merci. 3216, jardin@rmc.fr. On va retrouver vos questions dans un instant. Mais auparavant, c'est l'heure de notre météo du jardinier, mon cher Patrick. Oui. En ce samedi 8 octobre 2016. Avec un soleil qui va se lever. Ouh là là, pas tout de suite. Hein. Il va se lever quand on aura terminé cette émission, dites-moi. Carrément. À 8h. Oui, nous sommes devenus des oiseaux de nuit. Exactement. Pour se coucher à 19h14, on perd encore 4 minutes de soleil, hein, ça dégringole. On est passé bien en dessous de la barre des 12 heures d'ensoleillement, on est à 11h13. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on perd 4 minutes par jour. Oui, c'est donc la dégringolade, ouais. Et on fait une grosse bide au Morgane aujourd'hui. Alors, il y a Morgane, il y a Laurence, il y a Pélagie, il y a Thaïs, donc il y a beaucoup de saints. Bon, je sais pas si beaucoup de personnes s'appellent Pélagie aujourd'hui, mais on dit quand même qu'à la Sainte Pélagie, désherber le jardin est une bonne stratégie. C'est vrai que même si d'ailleurs on n'a pas une poussée trop forte parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, c'est quand même la saison à laquelle on voit les mauvaises herbes revenir un petit peu en force. Alors on dit aussi, lorsque l'on fête Morgane, les feuilles fanent. C'est vrai que l'on commence à rentrer vraiment en ce moment dans l'automne. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est Oua qui cancane. À la fête de Morgane, c'est l'automne qui ricane. Et c'est un peu ça. On commence à sentir vraiment cet automne. Donc on est quand même le 282e jour de l'année. Alors au niveau de la météo, on va passer à l'heure d'hiver. En plus là, ça va nous faire mal. Hein. oui, ça va faire très mal. Ça va être violent. Hein. Au niveau de la météo, les prévisions de Météo France sont très instables. Donc on va s'arrêter à mardi parce que hier soir j'étais à 2, à mercredi on était qu'à 2 d'indice de confiance. Ouais. C'est vrai que quand on regarde, moi je regarde souvent les cartes des vents, et quand vous n'avez pas les vents établis, c'est-à-dire que quand vous ne voyez pas l'ensemble de la France qui est soumise à un vent bien directionnel, mais qu'il y en a qui tournent dans tous les sens, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Alors pour l'instant, sur ce week-end dimanche, on a des vents plutôt de nord-nord-est, qui sont faibles et qui apportent donc une réelle fraîcheur. Attention, on est le truc le plus important de la semaine, on est dans une baisse constante des températures, du moins on aura jusqu'à 2 degrés sous abri en Bourgogne au lever du jour, c'est très froid, ça veut dire qu'il y a déjà des petites gelées blanches. J'en ai vu cette semaine dans certains champs, en plein champ en Ile-de-France, hein. Donc attention, mais on remonte dans la journée avec des températures qui vont jusqu'à 15 degrés dans le nord et 22 degrés en Corse. Donc sur le jardin, rentrez les plantes les plus frileuses. Moi par exemple, j'avais une épinthèse, donc plantes carnivores dehors, c'est rentré à la maison. Il y avait quelques plantes plante tropicale qui était dehors s'est rentrée dans la véranda. Non, les méditerranéennes, on les laisse le plus longtemps possible. Bougainvilliers, je tente. J'essaye de voir ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, c'est le moment quand même de planter les bulbes à fleurs. Hein. N'hésitez pas à faire par exemple des pousses fleuries en disséminant des narcisses un peu partout, planter des tulipes, des narcisses, des crocus, des jacinthes. C'est vraiment le moment. Et même si vous avez qu'un petit balcon, c'est super sympa en pot. Surtout qu'on les oublie parce qu'on les plante maintenant, puis ça va fleurir qu'au printemps. On plante l'ail aussi dans les terrains très légers. On peut planter de l'estragon, de la ciboulette, de l'oseille. Tout ça même en jardinière. Hein. Vous pouvez planter vraiment des condimentaires en ce moment. Les fraisiers, c'est la bonne période. Et puis tout ce qui est conifères, rhododendrons, etc. Alors lundi, on rafraîchit encore. Oui. Un degré seulement au lever du jour en Champagne, dans le centre, dans l'Auvergne. Seules les régions côtières du sud auront plus de degrés, plus de 10 degrés au réveil. Hein. Donc maximum 14 à Nice le matin, mais après, bien sûr, quasiment pas de pluie encore. Et dans la journée, des températures où il y aura que 11 dans la journée à Besançon, 21 en Corse, moyenne 14 degrés. Donc quelques gouttes en fin de journée vont apparaître dans le nord-est et mardi, donc, on aura plus de pluie avec une humidité qui va glisser tout le long du quart est de notre pays jusqu'à atteindre la Méditerranée avec des pluies fortes à prévoir sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Mais en général, dans tout le reste, eh bien, on sera toujours avec du soleil et on aura encore une belle journée. Donc, si vous passez entre les gouttes, bah, continuez à travailler au jardin. Pour le reste, bah, laissez passer l'eau et ça sera quand même très profitable pour nos jardins. Alors, en ce moment, outre la plantation dont je viens de parler, on peut semer, tiens, je vous conseille ça, semer des pois de Santerre et des capucines, voire des soucis, des clarkia, des pavots de Californie. Tout ça sont des plantes qui sont annuelles mais qui sont rustiques et donc elles vont lever beaucoup plus tôt au printemps et elles vous donneront une bonne surprise et c'est souvent sympa. Donc si vous avez aussi des framboisiers remontants, bah, taillez-les parce que la récolte est terminée, vous pouvez couper toutes les branches qui ont fructifié. Et puis bon, bah, y a pas mal de choses aussi. Alors moi, ce que je vous conseille, tiens, c'est de pas ramasser encore les feuilles mortes, hormis sur le gazon, parce que sinon vous allez passer votre vie à le faire. Donc laissez les feuilles s'entasser. Quand les arbres seront vraiment dégarnis, là, vous ramasserez tout ce petit monde là. Ouais, et moi mon érable commence tranquillement à rougir, à se colorer. Voilà, et il devient de plus en plus beau. 7h moins le quart, on revient dans un instant et Christine sera avec nous. Elle habite dans le Var. Elle aimerait avoir des conseils sur l'emplacement de ses framboisiers et ses mûriers, visiblement. Le 3216, jardin@rmc.fr. À tout de suite. RMC, votre jardin. RMC, football. Lundi, l'équipe de France se déplace aux Pays-Bas en match qualificatif à la Coupe du Monde 2018. Début de l'échauffement, dès 18h avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team Foot d'RMC. 20h45, coup d'envoi du match Pays-Bas-France et débriefing dans l'after jusqu'à minuit. Pays-Bas-France en direct d'Amsterdam, c'est lundi sur RMC, la radio pas comme les autres. Mayday, ici Deepwater Horizon. Revivez l'incroyable histoire vraie du plus grand désastre pétrolier de tous les temps. Il faut qu'on aille au canot de sauvetage tout de suite. Préparez-vous au film catastrophe de l'année par le réalisateur d'Hancock et Battleship. Il faut qu'on sorte de là. Retrouvez Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell et Dylan O'Brien dans leur combat pour survivre. Deepwater, au cinéma le 12 octobre. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, bienvenue chez les Givrés. C'est loin, c'est froid, mais c'est leur choix. Au fin fond du Canada, ils vivent leur rêve de liberté dans des conditions extrêmes. Prisonniers des glaces, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Voilà, un petit peu plus de 7h moins le quart. Nous sommes de retour, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin. Patrick Mulan est toujours à mes côtés. Dans un petit quart d'heure, la météo, les infos. Et puis ensuite, on vous donnera un maximum de conseils concernant les bouquets de fleurs avec nos invités. Mais d'ici là, vos questions. Christine nous attend. Bonjour Christine. Bonjour messieurs, j'aurais voulu... Mi-soleil. On me dit que vous habitez dans le Var, vous êtes dans le Haut-Var ou vous êtes près de la mer? On est sur Fayence, exactement. Je sais pas où c'est. Non, mais bon, vous avez quoi? Vous avez vraiment des étés très, très, très, très chauds? Oui, très chauds. Donc, faut faire attention au niveau notamment des framboisiers, parce que ce sont des plantes qui flétrissent assez rapidement, qui aiment pas vraiment avoir des coups de soleil. Donc, dans votre région, faut pas les mettre à l'ombre, parce que si vous les mettez vraiment à l'ombre, vous aurez pas peu de fructification. Mais vous avez évoqué la mi-ombre. La mi-ombre, c'est quoi? C'est soit avoir un filtrage par un couvert végétal assez léger, et notamment avec plutôt des plantes à feuillage caduques, c'est-à-dire que pendant toute la période hivernale, l'arbuste peut quand même prendre le plein soleil. Après, la mi-ombre, ça peut être aussi de l'exposition plein soleil la matinée, et après, oui, un ombrage pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ça serait pratiquement l'idéal. Sachant que, sur des framboisiers notamment, les murs, si ce sont c'est pas un arbre mûrier, ce sont des ronces que vous voulez planter. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est tellement costaud que généralement, ça marche très bien, mais ça va d'ailleurs plutôt bien aussi dans un endroit légèrement ombragé, la mûre, parce que si vous regardez bien au niveau des murs sauvages, vous allez souvent les trouver en lisière de bois, en lisière de forêt. Donc il y a toujours un bosquet autour et elles se mettent juste à l'extérieur. Donc vraiment la mi-ombre, c'est l'idéal. Je dirais qu'il faudra quand même penser à vraiment arroser ces plantes pendant l'été, quand il fera chaud, si vous voulez vraiment avoir une production de fruits. Ça sera très important. Il y a une chose qu'on peut faire aussi, et c'est très valable sur ce type de plante, c'est à partir du début du printemps, faire un paillis organique avec du compost ou avec du broyat végétal, par exemple faire du BRF, donc de broyer des branches jeunes que l'on vient de tailler et puis d'épandre tout ça au pied, ça garde quand même une certaine humidité, ça va apporter un peu d'humus aussi qui sera tout à fait favorable sur ce type de plante. Voilà. D'accord. Et si jamais pendant la saison vous voyez à un moment donné les feuilles qui commencent à brunir, à roussir comme si elles étaient grillées, ça veut dire que les plantes, elles ont besoin, alors ça j'insiste là-dessus, dès qu'on est autour de 30 degrés, et Dieu sait si vous les aurez régulièrement, oui. Le soir, n'hésitez pas, avec un pistolet d'arrosage, de doucher tout ce monde-là, de bien humidifier pour que le feuillage se requinque, comme on dit, donc reprenne un peu vie. Parce que l'eau par les racines, ça suffit pas. Quoi. Voilà, exactement François, parce que l'eau sur les racines, ce n'est pas souvent suffisant quand la plante a beaucoup, beaucoup évaporé pendant toute la journée. D'accord. Et comme engrais ? Oh ben vous savez ça. Alors là, les framboises et les ronces d'ailleurs et les mûres, ce sont des plantes du même genre. Ces plantes rubus sont des ronces toutes les deux. Ça a pas vraiment besoin d'engrais à moins que votre terre soit très très pauvre. Alors vous pouvez apporter un engrais pour petits fruits. On trouve ça dans le commerce des engrais agrumes. Pardon. Des engrais pour petits fruits. C'est bien ce que je disais. En fin de saison, hein, plutôt après la récolte, on met ça. Et puis c'est tout. Mais en général, vraiment, si vous mettez en plus un paillis organique, je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin de mettre de l'engrais. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben merci à vous Christine. Merci, au revoir. Et bon week-end. Merci. Et si tout comme Christine, vous voulez joindre Patrick, allez-y, c'est le moment ou jamais. 3216, jardin@rmc.fr. Un conseil personnalisé de notre meilleur jardinier Patrick Mulan. Vous pouvez le faire dès maintenant. Michel nous attend au 3216. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour messieurs. Bon d'abord, je voudrais vous remercier pour votre émission et puis vos bons conseils. Voilà. Voilà, ça concerne mes arbres fruitiers. Voilà, j'ai fait ma récolte et j'ai laissé sur le sol les fruits trop véreux et gâtés pour les oiseaux. Alors maintenant, je voudrais savoir. C'est pas une bonne idée. Hein. Ah bon ? Bah non, parce que le problème, c'est que si vous laissez. Oui. Des fruits pourris ou des fruits qui ont été attaqués, etc., sur le sol, c'est la meilleure façon de conserver ou de retransmettre les problèmes parasitaires. Parce que, par exemple, si vous avez du carpocap, c'est-à-dire donc ces vers de la pomme, vous allez avoir le ver qui va sortir du fruit, qui va rentrer dans le sol, qui va se lymphoser, et puis l'année prochaine, au printemps, les papillons vont repartir, et puis ça va de nouveau continuer. Donc ça, c'est systématique. Les fruits qui tombent avant maturité, on les sort du sol. Alors après que vous vouliez les donner aux oiseaux, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, mettez-les sur une mangeoire qui est surélevée, où, dans, où il n'y a pas de contact avec le sol. Ça, c'est indispensable. Bon, sur les fruits pourris, donc les fruits qui peuvent avoir du monilia, par exemple, bah ça, c'est la même chose, parce que les spores du champignon vont se transmettre, une fois qu'ils vont avoir éclaté, hop, ça va repartir dans la nature et tout ça. Non, ça, c'est systématique. Tout ce qui est abîmé, aujourd'hui, où on ne traite plus ou pas beaucoup, où on va même plus pouvoir le faire pratiquement d'ici deux, trois ans, il faut avoir toutes ces mesures prophylactiques, c'est-à-dire de faire en sorte que les conditions soient aussi saines que possible pour que les plantes ne soient pas mises en danger. Donc je dois tout retirer, Et qu'est-ce que faut-il faire maintenant avant l'hiver? Vous avez beaucoup de pourriture sur les fruits? Est-ce qu'il y en a qui pourrissent sur l'arbre? Non, c'est plutôt, par exemple, c'est que les oiseaux, ils ont attaqué mes... Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Si vous voulez partager votre récolte avec les oiseaux, ça, c'est souvent le cas. Non, mais ça, il faut bien le dire, quand même. Parce que moi, je voudrais quand même un peu remettre les choses en place de temps en temps. Aujourd'hui, on a un regard extrêmement angélique par rapport à la nature. On dit, il faut faire venir les oiseaux. Ben oui, bien sûr, faut faire venir les oiseaux. Mais si on fait venir les oiseaux, il faut aussi accepter que ils mangent à leur guise. Et les oiseaux, ils mangent effectivement beaucoup de vers, beaucoup d'insectes, mais quand il y a des fruits, ils les boulottent aussi. Donc ça, c'est tout retiré, figurez-vous. Là, ils attaquaient vraiment. Et puis non, j'ai bien sûr, comme j'ai pas trop traité mes arbres, ils sont à vert, c'est sûr. Sur les vers des pommes et des poires, donc c'est le carpocalps dont je parlais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des pièges à phéromones que l'on trouve dans le commerce, qui sont donc des sortes de petits cartons englués et qui ont les phéromones, donc qui sont des attractifs sexuels, qui vont faire en sorte d'attirer ces papillons qui viennent se coller dans le piège, et ça vous limite quand même un tout petit peu les dégâts. Ouais. Ça, c'est pas mal. Merci Michel. Disparu, Michel. On accueille maintenant Alain avant de retrouver la météo, les infos. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous les deux. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. J'avais une question à poser. Je voulais constituer une haie avec des cyprès de Leyland. Mais compte tenu de mon âge, mon père m'avait toujours dit qu'il fallait planter petit, mais là, vu mon âge, je préfère les planter plus grands. Oui. Et j'avais songé des sujets de 2 mètres, 2 mètres 50, dans des pots de 25 litres, c'est ce que j'ai lu. Et je voulais savoir si je pouvais, sans danger, faire cet achat par Internet auprès de certaines pépinières importantes. Parce que chez moi, il n'y a pas de grands sujets, il n'y a que des petits trucs. Alors, votre question, elle est extrêmement intéressante et je pense qu'on va consacrer prochainement une heure entière sur cela, parce qu'effectivement, on peut se poser la question, est-ce que acheter des végétaux sur Internet, c'est sans danger? Alors, vous avez évoqué des pépinières importantes. Si, évidemment, vous achetez chez des pépinières qui ont pignon sur rue, que j'ai pas voulu donner de nom. Mais peu importe. Mais si vous achetez, mettons, même dans la distribution, si vous achetez dans les grandes marques de distribution sur leur site internet, vous avez peu de risques parce que vous savez qui va vous les fournir. En revanche, faites attention quand même, par exemple, sur des offres un tout petit peu trop alléchantes, des sites qui sont un peu ce qu'on appelle des marketplaces, c'est-à-dire des endroits qui vendent de tout. Moi, je me méfierais vraiment. Ouais. Donc, si vous allez sur un site internet d'une pépinière renommée, forcément qu'elle va vous vendre ses produits à elle. Donc, ça, c'est comme si vous achetiez par correspondance. Puis si un jour on a un problème, on sait où aller. Oui, en plus, vous savez à qui vous avez affaire. Donc là, c'est très important. Parce que sur Internet, c'est un peu compliqué. En même temps, moi, je dirais aussi ce que j'aime bien, quand j'achète des plantes, surtout là, si vous achetez des plantes de gros sujets, c'est de voir un peu quand même les plantes que j'ai achetées et les choisir. Et oui, bien sûr, mais moi aussi. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu problématique parce qu'on a des sujets qui font 80, 1m50 au maximum. Oui. Mais bon... Voilà. Non, mais... ou alors, ce que vous faites, vous avez besoin de beaucoup? Ah ben, c'est entre 10 et 20. Moi, vous savez ce que je ferais? J'en achèterais un ou deux. Ah, d'accord. Et puis, je verrai ce que je reçois. Parce que ça coûte moins cher que 20. Et donc, si ça marche bien, à ce moment-là, vous repassez la commande. Vous dites, j'ai été très satisfait, maintenant j'en veux 20. Et puis, ça marchera comme ça. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que j'ai fait une commande un jour et j'étais surpris, j'ai reçu des plantes archi minuscules que j'ai perdu parce que c'était pas possible, alors que le prix n'était pas minuscule du tout. Voilà, donc ça faut faire très très attention là-dessus. Oui. Hein. Voilà, je vous remercie. Mais on fera une émission parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur le sujet. Comme on vous écoute tout le temps. Merci alors. Je vous souhaite un très bon week-end. Et vous aussi. Et merci de votre fidélité. Il est bientôt 7h. Météo info. Voilà. Et on revient. Et après, c'est le bouquet. Ça sera le bouquet. Voilà. Le bouquet de fleurs. Ça va nous faire du bien. Tiens, ça sera juste avant, la Formule 1 et les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon que vous pourrez suivre en direct en intégralité sur RMC aux alentours des 8h. À tout de suite après la météo et les infos, les amis. RMC, 6h-8h, votre jardin. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Des likes, des commentaires drôles ou engagés, des articles envoyés aux amis, à la famille ou encore aux collègues. Chaque jour, environ 6570 lecteurs réagissent ou partagent une actu de La Voix du Nord.fr. Et vous, avec le nouveau site de lavoixdunord.fr, connectez-vous à l'actu qui vous concerne vraiment et suivez-la en direct. Depuis votre smartphone, tablette ou ordi, soyez toujours plus proche de l'info. La Voix du Nord. Actualisez-vous. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous demain, midi, sur BFM TV pour BFM Politique. Et cette semaine, je reçois Patrick Buisson. C'est la première fois que l'ancien conseiller de l'ombre s'exprimera en direct, une heure, à la télévision. Qui est-il vraiment? Peut-on le croire? Comment juge-t-il le Sarkozy version 2017? BFM Politique, demain 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. Allez, on s'intéresse à la météo de ce week-end maintenant sur RMC. C'est avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Une nouvelle journée placée sous le signe du soleil aujourd'hui. Bon, ce matin, le sud-ouest et la moitié nord du pays se réveillent sous les nuages, un temps gris et des nuages qui devraient disparaître en cours de matinée et laisser place cet après-midi à de belles éclaircies. À noter également ces quelques averses possibles en cours de journée, très localisées le long des côtes de la Manche, dans les Vosges ou encore sur la Corse. Partout ailleurs, du beau soleil attendu. Et puis si vous êtes dans le sud de la France, du soleil, oui, mais avec du vent. Jusqu'à 70 km/h en rafale pour la tramontane. Le Mistral est lui en train de se lever. Les températures, elles restent fraîches ce matin. Pensez à vous couvrir car ça caille. Les minimales sont comprises entre 5 et 9 degrés. Les maximales cet après-midi entre 14 et 24 degrés. On attend 15 degrés à Strasbourg et Lille, 17 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Marseille et 24 la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec dans une heure, Formule 1, les qualifs du Grand Prix du Japon. 14h45, rugby top 14, le derby, Racing 92, Stade Français Paris, suivi à 18h30 des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h, toute l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, près de 900 morts sur l'île d'Haïti. Île dévastée par l'ouragan Matthew, ouragan qui est passé cette nuit sur la côte est des États-Unis. L'arme du référendum, dernière proposition pour sauver une campagne, celle de Nicolas Sarkozy. Et puis le football, et les Bleus ont brillé hier soir au Stade de France, victoire 4-1 sur la Bulgarie. Il est 7h sur RMC, bonjour à tous. Il a donc perdu un peu de sa puissance, passé du niveau 5, le maximum, au niveau 2. L'ouragan Matthew a survolé la côte est des États-Unis cette nuit, est à des lieux sur place ce matin. Philippe Gassot, vous êtes correspondant d'RMC aux États-Unis. Philippe, nouvelle plutôt rassurante ce matin. Eh bien oui, l'ouragan Matthew, le monstre tueur qui a martyrisé Haïti, Cuba et les Bahamas en laissant plus de 800 morts dans son sillage, a perdu de son agressivité à l'approche des côtes américaines et des eaux plus froides. L'ouragan est passé d'une puissance de 4 sur une échelle de 5 à 2. Reste que Matthew et son œil de tueur reste un meurtrier en puissance. Barack Obama demande à la population de rester sur ses gardes. L'ouragan, qui remonte vers le nord de la Géorgie et vers les Carolines, avance doucement à 20 km/h avec son cortège de vent violent. vent et de pluie. Matthew reste dangereux. Près de 2 millions d'Américains ont quitté le littoral. Des centaines de milliers d'habitants sont sans lumière. Les dégâts sont énormes. Il faudra, selon le président américain, 3, 4 ou 5 jours pour faire le bilan. L'addition sera lourde. Et pour l'instant, le bilan fait état de 4 victimes en Floride. Alors c'est un petit peu plus au sud, en Haïti. Philippe, vous le disiez, que la situation est catastrophique. 10 ans après le séisme, l'île une nouvelle fois dévastée. Près de 900 victimes et des zones toujours inaccessibles. Et c'est le sort des enfants qui inquiète forcément. Inquiétude décrite par Cornelia Voltaire. Elle travaille pour l'UNICEF en Haïti. Notre grand souci en ce moment, c'est l'eau potable et l'assainissement pour éviter qu'il y ait des épidémies parce que les enfants sont particulièrement vulnérables dans cette situation. Et la nourriture, les perspectives en vue de la malnutrition des enfants, le risque est très, très élevé parce qu'il y a la saison de la récolte et Matthew est juste venu à temps pour détruire ça. Je suis très inquiète et je dois avouer, avec chaque heure qui passe, je suis plus préoccupée. Cornelia Voltaire, interrogée par Benjamin Smadja. La campagne présidentielle américaine. Décidément, aucun sujet n'est éludé depuis hier soir. Ce sont les propos machistes de Donald Trump qui font polémique. Dans une vieille vidéo, le candidat républicain expliquait avec des mots très crus, que je vous épargne, comment on peut tout se permettre avec des femmes dès lors que l'on est connu. Vidéo d'excuses publiée dans la nuit de la part de Donald Trump, dans laquelle il ne peut s'empêcher d'évoquer les frasques sexuelles de Bill Clinton, le mari de sa rivale. La campagne française, cette fois-ci Nicolas Sarkozy qui tente tout pour faire fléchir les sondages. Hier soir, il sortait de son chapeau deux référendums qu'il souhaiterait organiser dès l'issue du second tour de la présidentielle. Scrutin sur le regroupement familial et scrutin sur l'internement des fichés S. Ça n'inspire pas beaucoup Florian Philippot, vice-président du Front National. Et le référendum est toujours un outil démocratique très intéressant. Le seul problème, c'est qui vous fait ces promesses. Quand c'est Nicolas Sarkozy qui vous fait une promesse à quelques semaines d'une élection interne, on sait que c'est de l'enfumage électoraliste. Nicolas Sarkozy, il avait tout le loisir de faire des référendums. Il n'en a fait aucun. Pire que cela, il a annulé le référendum sur la Constitution européenne. Voilà, c'est un imposteur. Et donc, de ce point de vue-là, sa crédibilité est égale à zéro. On ne peut pas, comme cela, vouloir draguer avec d'aussi grosses ficelles, d'aussi gros sabots des électeurs en les prenant pour des imbéciles. Florian Philippot interrogé par Benjamin Smadja. Autre bord politique, autre candidat, début de campagne pour Arnaud Montebourg, en lice pour la primaire socialiste. L'ancien ministre était en région toulousaine hier, premier contact avec le terrain, Jean-Wilfried Forquès. Produit français, c'est l'un des piliers de sa campagne. Bonjour monsieur. Alors ici, il paraît qu'on est dans une grande maison. Rencontre ici avec un fromager qui exporte. On est dans une maison qui représente un vrai savoir-faire, je pense un vrai patrimoine français. Des échanges très appréciés par l'ancien ministre. Ici, c'est le temple du Made in France, c'est tous les gens qui font travailler les terroirs, qui font travailler les savoir-faire. L'avenir de la France, ce sont les petites et moyennes entreprises. Autre lieu, autre ambiance, une salle de meeting. J'ai fait le rêve que la France ait un président de la République de gauche. À la tribune, il est question du chômage, de l'emploi, du pouvoir d'achat, de l'Europe. Étienne, militant socialiste, a été séduit par le candidat. Je crois que sa force, c'est de pouvoir gagner la primaire. Alors bien sûr, Étienne ira voter Montebourg au premier tour de la primaire socialiste, le 22 janvier 2017. Le reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès. Chacun avec son bâton pour le mettre dans les rouages du système. C'est leur slogan aujourd'hui. Mobilisation, nouvelle mobilisation à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes réunies pour lutter contre le projet d'aéroport éternel Lutz, alors que le gouvernement joue la fermeté en promettant l'évacuation de la zone. Mais Sylvain Fréneau, agriculteur sur place, n'a toujours pas l'intention de bouger. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un préfet qui est nommé, il dit « moi je vais évacuer la ZAD et moi, avec moi l'aéroport va se faire ». Oh, ça fait 7 ou 8 préfets qu'on voit passer. Monsieur Valls, il va passer aussi, comme les autres, et puis on sera toujours là. Bah, on est sur nos gardes, on est dans les starting blocks, prêts à bouger, quoi. En disant, bah, si vous nous cassez tout, on sera pas d'accord. Voilà. Mon père est né là, mon grand-père est né là, mon arrière-grand-père. Donc, non, ils sont pas prêts de gagner la bataille. Sylvain Fréneau, micro d'Anaïs Denet. Toute une rédaction sous le choc. Cette dite télé, hier, elle apprenait que Jean-Marc Morandini serait sur leur antenne à partir du 19 octobre. Jean-Marc Morandini est pourtant mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. La direction de la chaîne a donc décidé malgré tout de le mettre à l'antenne. Un vrai risque, analyse Renaud Revel, journaliste spécialiste des médias. Il y avait forcément une prise de risque parce que je pense qu'il y en a avant et après. Hein. Il y a eu le Morandini, effectivement Bankable qui avait une très belle audience. Aujourd'hui, avec cette affaire-là, je suis pas convaincu que l'image de Mandini soit la même. Et en cela, effectivement, ça comporte un risque, hein, qui va être terrible pour lui. C'est la puissance des réseaux sociaux, quoi. Ça va être très compliqué. Mais je trouve ça courageux de la part d'ITélé et risqué. Et je trouve ça également courageux et risqué de la part de l'intéressé. Je trouve bien, pas qu'on lui donne sa chance, mais qu'on laisse ce garçon travailler dans la mesure, encore une fois, où la justice n'a pas tranché. Il est 7h06 sur RMC. Du spectacle débute, une équipe de France comme ses supporters aimerait l'avoir joué chaque rendez-vous. 4-1, la victoire des Bleus du foot hier soir sur la Bulgarie, qualification pour le Mondial 2018. 4-1 est doublé pour Kevin Gamero, retour idéal en bleu pour le petit attaquant. On va dire que c'est la soirée parfaite, deux buts, la victoire, une victoire de l'équipe. J'avais beaucoup envie de bien faire et ça s'est concrétisé par deux buts. Pourvu que ça continue, après on va dire que je reviens de loin. Maintenant, une belle aventure commence, il y a une belle qualification à aller chercher pour la Coupe du Monde. On va essayer de tout donner pour cette sélection et pour cette équipe. Et le prochain rendez-vous, c'est lundi face aux Pays-Bas, le top 14 de rugby, Stade Français Racing, l'affiche du jour, 8e journée. Et puis ce soir, l'équipe surprise de ce début de saison, La Rochelle. La Rochelle reçoit Toulon, La Rochelle qui a dans ses rangs des joueurs au profil assez peu banal, Steven Berry par exemple, son portrait avec Nicolas Paolorsi. Il a réussi son pari fou. Recalé de La Rochelle en 2011, Steve Barry relève alors le défi du rugby à 7. Point d'orgue de cette aventure, une participation marquante aux Jeux Olympiques de Rio. Ça te fait un peu réfléchir sur sa situation. Tu te rends compte qu'il n'y a pas que toi qui t'entraîne tous les jours dur, il n'y a pas que toi quand je chie au quotidien. 4 ans après l'avoir laissé filer, Patrice Collazo, le manager rochelais, flaire le bon coup. On connaissait Steve, c'était pas un pari risqué encore moins. Steve Barry, lui, ne se voyait pas évoluer ailleurs qu'à La Rochelle. Pour être honnête, je n'ai même pas cherché d'autres clubs. Quand j'ai eu cette proposition, j'ai arrêté toutes les recherches et je me suis engagé directement. Barry s'impose comme un des chouchous du public de Marcel de Flandre. Face à Toulon, il devra confirmer contre ses idoles. Quand j'étais gamin, je jouais avec eux sur la PlayStation. J'ai envie de se dépasser et d'essayer de bien figurer face à eux. Se dépasser pour tenter de porter de nouveau le maillot bleu qui le faisait tant rêver. Celui, cette fois, de la grande équipe de France. Le reportage de Nicolas Paolorsi. 7h08 sur RMC. On termine par les courses, François Sorel. Et un tiers s'écarté, quinté plus cet après-midi, Thomas. C'est à Chantilly. Et Sébastien Arras nous conseille le 9 Relaxed Boy et le 2 Royal Vati. Brahim Asloum aime bien le 14 Je suis Charlie. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 12 Kalina et le 5 Eferatus. Le 9, le 2, le 14, le 12 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, deuxième partie de notre rendez-vous jardin. Et on va parler bouquet. Où acheter ses fleurs et son bouquet, pourquoi pas? Comment repérer les fleurs de qualité? Comment savoir aussi d'où elles proviennent? On évoque ça avec Patrick, bien sûr. Et nos invités, vos questions au 32 16. À tout de suite. RMC. Mayday, ici Deepwater Horizon. Revivez l'incroyable histoire vraie du plus grand désastre pétrolier de tous les temps. Il faut qu'on aille au canot de sauvetage tout de suite. Préparez-vous au film catastrophe de l'année par le réalisateur d'Hancock et Battleship. Il faut qu'on sorte de là. Retrouvez Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell et Dylan O'Brien dans leur combat pour survivre. Deepwater, au cinéma le 12 octobre. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chiffré, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois. Et 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Jamais un politique n'a fait l'objet d'autant de questionnements. Le psychanalyste Gérard Miller lève le voile sur l'homme qui a su se cacher en pleine lumière. Nicolas Sarkozy, l'homme qui courait plus vite que son ombre, un document inédit dans le mois politique, lundi à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Et nous sommes de retour, 7h10, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. À suivre chez nous, tout à l'heure, aux alentours des 8h-10, vous retrouverez les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon, que vous pourrez suivre en direct en intégralité. Je serai de retour tout à l'heure, aux alentours des 9h, avec Christian PC pour la maison. Patrick, deuxième partie donc de notre rendez-vous jardin, et on va parler de bouquets de fleurs ce matin. Alors on va parler de bouquets, on va parler comment les acheter, et pourquoi aujourd'hui. Bah tout simplement parce que à partir de demain et puis lundi, donc les 9 et 10 octobre au centre des congrès de Tours, vous avez le Mondial des Fleurs, Nova Fleurs, hein, qui est un lieu qui accueille le public et où vous pourrez rencontrer parmi les fleuristes les plus remarquables qui existent, alors déjà les meilleurs ouvriers de France et puis aussi des experts étrangers, et il y a un concours amateurs d'art floral avec une centaine de passionnés qui se sont inscrits sur internet et qui vont se confronter en créant un bouquet, alors je sais même pas comment on peut faire ça, sur le thème Big Bang, la création de l'univers. Non mais en fait on est là, on est vraiment dans l'art, mais en même temps je pense que nos invités, on va leur demander d'ailleurs tout de suite s'ils vont aller à Nova Flore. Alors j'ai le plaisir de vous présenter et d'avoir aujourd'hui avec nous Benoît Ganem. Benoît Ganem, c'est un personnage extrêmement important dans notre univers professionnel puisqu'il est président de l'interprofession horticole Valor. Il préside aussi la chaîne de Jardin des Fleurs, donc de fleuristes, et puis il est administrateur de la Fédération Française de la Franchise. Bonjour Benoît, en voilà toute une médaille. Ça s'appelle mettre la pression dès le départ. Voilà, exactement. Voilà, bonjour Patrick, bonjour. Alors, bonjour. On vous verra à Nova Fleur ? Oui, absolument. Voilà, bah on peut pas passer à côté quand on est dans la fleur. Il y a un certain nombre d'événements, effectivement, on peut pas passer à côté. Il y a Nova Fleur ce week-end. Le week-end dernier, on était au Mans avec la Coupe de France des fleuristes. Enfin bon, voilà, il y a des événements. Ça bouge beaucoup, le monde de la fleur. Oui, ça bouge. Et puis on a aussi avec nous un autre expert, Éric Grelier, qui est fondateur de l'enseigne de fleuriste Oya. Oya, il y a une vingtaine de boutiques en France et au Maroc. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, je vais attaquer le truc direct. Moi, je me pose toujours la question, où est-ce qu'il faut acheter ces fleurs, Benoît ? Où est-ce que je dois... Est-ce que le fleuriste, c'est vraiment l'endroit idéal, par exemple ? Alors moi, je répondrai partout, il y a un professionnel de la fleur. Alors, il y a les fleuristes, il y a dans le monde des jardineries, des rayons qui s'appellent la fleuristerie. Ce qui me paraît important sur un produit qui a quand même une certaine fragilité, c'est d'être certain de la manière dont ce produit est géré dans la boutique ou en magasin. Et en amont, j'aimerais bien aussi qu'on en parle tout à l'heure aussi. On parlera d'amont. Ça vient, oui. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas faire de dualité de circuit, de distribution, mais il faut s'assurer qu'on est face à un professionnel qui entretient la fleur, parce que la fleur, c'est un produit qui est fragile. Voilà, qui est vivant et qui, effectivement, ne peut pas durer longtemps. Alors, ça veut dire, si je suis à l'écoute, que la grande distribution, c'est pas top. Alors moi les combats... C'est difficile quand on parle à un président de fédération. Non, alors c'est pas que c'est pas top, c'est... Quand vous arrivez le jour où le produit arrive, c'est super top, d'accord ? La question, c'est comment c'est entretenu dans le temps. Mais on peut le savoir, ça, par exemple. Parce c'est-à-dire que c'est rayonné comme des paquets de biscuits ou voilà, il n'y a pas, il y a pas autant d'attention apportée à ce genre de produit que chez un fleuriste. Ben, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Non, je suis en train de dire que c'est toujours le même sujet. Quand vous avez un professionnel qui s'occupe des choses, ça se passe toujours mieux que quand vous avez des gens qui sont moins disponibles et moins professionnels. Mmh. Et en hypermarché, il y a de temps en temps de très bons professionnels avec des rayons qui sont très bien théâtralisés. Simplement, il faut s'occuper de ça. Et la masse salariale dans un hypermarché n'est pas tout à fait la même que la disponibilité de l'artisan fleuriste. Et qu'est-ce qu'on doit penser d'Internet au niveau de l'achat des fleurs ? Éric Grelier. Internet, si vous voulez, Internet n'a pas, en fleurs, hein, pure, n'a pas vraiment révolutionné le marché de la fleur. Oui, parce qu'avant, on prenait son téléphone et puis on appelait. Il y avait des chaînes de transmission. Donc, aller d'un point A à un point B, c'est une mécanique qui est en place et qui a connu le Minitel, le fax, etc. Et qu'aujourd'hui, des leaders font 1 600 000 transactions par an. Donc, quand Internet est arrivé, bon, ça a été effectivement une nouvelle méthode. Mais... Ce que vous évoquez, la télétransmission, ça passait par le réseau fleuriste. Absolument. Mais aujourd'hui, Internet passe pas forcément par le réseau fleuriste. Non, l'Internet, c'est du direct, absolument. Donc, est-ce qu'on... Mais on voit les chiffres depuis, on peut dire, 10 ans, puisque la chaîne qui s'est mise en place il y a un peu plus de 10 ans, on voit les volumes n'ont pas bougé. Donc là où Internet devient intéressant, et on le voit nous dans nos réseaux, c'est sur le click and collect et sur la facilité. Ça veut dire quoi pour tout le monde, le click and collect? Alors ça veut dire que commande sur Internet et je vais chercher chez le fleuriste. Absolument, voilà. Absolument. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et c'est là où le fleuriste traditionnel ou les chaînes telles que nous, on peut s'approprier le nouvel outil. Donc au même titre que Benoît répondait sur la grande distribution, le circuit spécialiste entre professionnels, le temps nécessaire pour s'occuper du produit, bon là Internet devient à 360 et ça fait partie d'un élément de distribution. Benoît ? Non, ce qu'on peut dire c'est aussi que la durée de vie d'une fleur, ça doit être une quinzaine de jours entre le moment où elle a été coupée et le moment où elle va finir sa vie. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... Nous, on voit bien les êtres humains, quel âge on a, hein, grosso modo. La fleur, on a du mal à voir à l'œil nu si elle a été coupée il y a une semaine ou il y a 3 jours. Mais on ne pourrait pas avoir une obligation, par exemple, comme les œufs, où on sait quel jour ils ont avec été une pondus. DLC. Voilà. Non, avec une date de coupe. Mais voilà. Une date de coupe, ça serait bien. Oui, ce que je voulais juste dire, et on peut revenir sur la date de coupe, ce que je voulais juste dire, c'est que la question d'Internet n'est pas réellement un sujet. Le vrai sujet, c'est le temps. Je veux dire, quand mon bouquet part, combien de temps il va mettre pour arriver? Quand on fait des livraisons au Jardin des Fleurs, on fait des livraisons par Chronopost. On a une plateforme parce que ce que je veux surtout, c'est que le client qui veut du Jardin des Fleurs, il reçoive du Jardin des Fleurs. Voilà. Et parce que c'est une sorte de marque. Parce que c'est en tout cas un territoire de marque et une promesse qu'on veut tenir vis-à-vis du consommateur. Parce que bien souvent, quand on offre des fleurs, quand on envoie par Internet, c'est 70% des ventes, j'offre. J'achète pas pour moi, quoi. Donc il faut surtout ne pas décevoir. Et je veux dire, ça part par Chronopost. Notre bouquet part par Chronopost dans une réserve d'eau. D'accord. Et donc il arrive, sauf si la poste l'a mis à l'envers, effectivement il est abîmé par le transport, mais sinon la fleur arrive dans un état tout à fait correct et tient sa promesse. Je veux juste dire que la promesse de la tenue d'un bouquet, c'est 7 jours. Alors moi j'ai vu sur Internet des promesses de la fleur entre le moment où elle est coupée et le moment où elle arrive chez vous, c'est 24 heures. Est-ce que c'est réaliste? Entre coupée et... Oui. Couper et arriver chez le client 24 heures. Ça me semblait incroyable parce que j'ai l'impression que le circuit n'est pas comme ça. Non, si c'est un, enfin tout dépend de qui fait l'offre, mais si c'est un producteur dans un lieu précis qui produit 5 fleurs ou 6 fleurs et qui promet de l'envoyer dans toute la France, un producteur français peut faire ça. Après, si c'est une offre de bouquet avec un ensemble de fleurs pas produit par la même personne et qu'il faut rassembler, le circuit 24 heures, c'est trop court. Oui, c'est impossible. Ouais. 7h18, on revient dans un instant. On parle de fleurs, de bouquets de fleurs avec nos professionnels fleuristes qui sont là. Le 3216 ou jardin@rmc.fr si vous voulez poser vos questions ou simplement témoigner ou nous donner vos tours demain. Comment faites-vous pour conserver vos bouquets à la maison? Peut-être avez-vous des astuces. On vous attend. A tout de suite. RMC, votre jardin. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Demain, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture, soutenu par EasyPack à partir de 189€ par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant, voire Renault.fr. Des likes, des commentaires drôles ou engagés, des articles envoyés aux amis, à la famille ou encore aux collègues. Chaque jour, environ 6570 lecteurs réagissent ou partagent une actu de lavoisdunord.fr. Et vous, avec le nouveau site de lavoisdunord.fr, connectez-vous à l'actu qui vous concerne vraiment et suivez-la en direct. Depuis votre smartphone, tablette ou ordi, soyez toujours plus proche de l'info. La Voix du Nord. Actualisez-vous. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h20, dans quelques instants la météo, les infos de 7h30. Nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan et nos invités. On évoque ce matin les bouquets de fleurs. Patrick. Alors je regardais Benoît et je vois qu'il arbore un beau badge avec le label Fleurs de France. Moi j'avais l'impression, alors façon peut-être un peu naïve, que toutes les fleurs venaient d'ailleurs, que dans notre pays on n'en produisait pratiquement plus. Alors, un, il y a encore de la production française. Donc tant mieux. Et deux, le label Fleurs de France. Alors moi, je suis pas du tout branché politique, d'une manière générale, dans ma vie. Mais là, je veux saluer notre ministre de l'Agriculture. Parce que Stéphane Le Foll, qui rencontre des producteurs français et des producteurs qui parlent de leur souffrance aujourd'hui, parce qu'on est sur un marché et dans un contexte économique qui est tendu, Stéphane Le Foll leur dit, mais pourquoi vous ne faites pas Fleurs de France comme on a fait Viande de France? Et donc, il lance cette, ce sujet-là, il le confie à l'interprofession, c'est-à-dire toute la filière, dont pour l'instant, j'ai la présidence, et on lance Fleurs de France. Ça devient un repère sur l'origine du produit. Ça concerne les fleurs, les plantes, les arbres. Donc, ça concerne le marché de la pépinière, de l'horticulture, et de la floristerie. Donc tous les jardiniers sont concernés par ça. Et donc, ça donne la garantie aux consommateurs que ce produit-là a été produit en France, et quelque part, ça contribue. Alors, il y a un courant sociétal sur l'origine, d'accord? Mais en plus, les entreprises, les pépiniéristes, les horticulteurs qui sont rentrés dans cette démarche Fleurs de France, sont en plus des entreprises qui ont une vraie démarche RSE, c'est-à-dire écologique, responsabilité sociale et environnementale. Et donc, vous savez qu'on a un grand sujet autour des phytos, autour de... donc, il y a un engagement des entreprises et il y a pour le consommateur un logo qui est le même que Viande de France, d'accord, sauf qu'il est Fleurs de France. Et je pense que ça contribue à une maturité de marché et à une information auprès du consommateur. Mais vous, Eric, en tant que responsable d'enseigne de fleuriste, vous achetez des fleurs donc sur les marchés internationaux, donc la plupart viennent de Hollande, mais en même temps ça arrive de partout, le Kenya, la Colombie, bon la France, mais comment est-ce qu'on peut se repérer là-dedans? En fait, il faut faire son marché, Benoît l'a souligné, il n'y a pas de dualité entre France, Colombie, Équateur, Kenya, etc. L'acheteur, et ça revient à votre première question, qui est de dire comment on reconnaît une fleur de qualité, un bon professionnel, donc faut bien choisir. Donc chaque pays et chaque producteur et chaque production a ses typicités. Donc si on prend la rose, vous pouvez trouver une rose de 50 cm du Kenya de très bonne qualité, une rose de Colombie avec qui est produite sur les plateaux là-haut, qui est magnifique et sans chauffage, sans lumière extérieure, c'est que du naturel et qui a une couleur remarquable parce que c'est très froid la nuit et des amplitudes thermiques qui sont importantes et qui profitent à la production de la fleur. Et les hollandaises qui ont leur atout aussi, et les françaises qui ont leur atout. Donc aux fleuristes et aux professionnels, et ça c'est notre travail, de choisir le bon produit pour le présenter au bon prix. Et c'est là où on voit des différences de prix à la sortie. Mais vous parlez de la rose, et souvent on a une déception. Moi ça m'est arrivé souvent, vous achetez une rose, elles sont magnifiques chez le fleuriste, vous les mettez chez vous, et deux jours après, les têtes, elles sont toutes en bas, comme ça. Mais c'est à cause de nous, ça, ou pas? Pourquoi. Non, la difficulté, c'est ce que vous soulignez au tout début de l'émission, c'est qu'il n'y a pas de date de coupe. Donc, Il n'y en a pas pourquoi. On pourrait vous attaquer. Patrick, on peut acheter des fleurs, en fait, qui pourraient d'apparence être belles alors qu'elles sont en fin de vie, c'est alors, ça? Vous avez la fleur, à partir du moment où elle est coupée, elle a deux circuits. Elle a un circuit eau et un circuit climatisé. Donc après, dans cette rupture de chaîne, il peut y avoir des accidents. Et quand le fleuriste, le professionnel achète ses fleurs, il n'a pas de traçabilité, il n'a pas de date de coupe, donc il faut une très bonne confiance et une très bonne relation avec son fournisseur. Voilà. Et connaître de plus en plus, et ça on le sait de plus en plus, connaître les fermes et les producteurs. Donc nous on s'attache de plus en plus à des producteurs. Mais pourquoi on met pas en place vraiment un système de date de coupe? Justement, on parlait de la date de coupe ou, je sais pas, la traçabilité vraiment du produit. Donc il faut rappeler que 60% de la production mondiale transite par les marchés hollandais, 70. Qui sont des logisticiens, comme disait Eric Grelier, qui sont des logisticiens hors pair. D'accord? Moi, je voudrais juste dire à nos auditeurs, quand vous achetez un bouquet et qu'il tient 3 jours, vous allez voir votre fleuriste et vous lui dites, Je pense qu'il y a eu un petit problème. Ça n'a tenu que 3 jours. Mais vous rapportez le bouquet dans les temps. Non, mais un bouquet doit tenir 7 jours. Ouais, une semaine. Une semaine, d'accord. Il y a un certain nombre d'entretiens et des précautions à prendre dont on peut parler. Mais globalement, dans l'esprit du consommateur, ça doit tenir 7 jours. Je disais tout à l'heure que 70% des produits sont à offrir. Alors c'est vrai que la difficulté quand on reçoit un bouquet et que le lendemain il a la tête en bas, on n'appelle pas ses potes en lui disant « ton bouquet, ça valait rien ». Mais il y a toujours une carte. Quand on offre un bouquet, il faut garder la carte pour savoir qui a été le fleuriste qui a vendu ça. Et puis ensuite, il faut absolument... Enfin, il y a une conscience collective qu'il faut prendre en main. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les fleuristes en disant « il y a eu un problème ». C'est un produit vivant, c'est un produit frais. Donc, on n'est pas à l'abri. Nous, on a aujourd'hui des clients chez Jardin des Fleurs. Alors, on est livré 3 fois par semaine directement des marchés hollandais. Donc, on est un circuit court. On passe pas par des grossistes qui eux-mêmes revendent. Oui, Rungis et compagnie, voilà. Voilà, mais Rungis aussi est livré directement. Mais donc du coup, j'allais dire que ça nous arrive qu'on ait des clients qui viennent qui disent ça a tenu 3 jours. Eh bien, on change. Voilà. Donc là, effectivement, le fleuriste ne va pas mal nous accueillir si on arrive avec un bouquet qu'on a acheté il y a 3 jours. C'est même. Alors si vous revenez, là on le dit à nos clients, chez Oya, on leur dit, s'il y a un problème, revenez. Parce que c'est vraiment rendre service aux professionnels. Il y a une initiative qui est en train d'être prise par la... J'espère qu'il y en a que certains qui nous accueilleront bien, quoi. Enfin, oui. Alors, il y a 13 000 fleuristes en France. Donc, à un moment, il y a des gens sérieux, des gens moins sérieux. Mmh. Les gens moins sérieux, il faut qu'ils disparaissent parce qu'ils polluent les gens sérieux. Et on est en train, avec la Fédération des fleuristes, des artisans fleuristes et Valor, on est en train de mettre en place le Flor Advisor. D'accord? C'est-à-dire de donner la parole aux clients pour dire je suis content, pas content, etc. Et il faut qu'on puisse identifier les fleuristes et savoir quels sont les bons, c'est-à-dire quels sont ceux qui tiennent cette promesse de fraîcheur et quels sont ceux qui sont moins sérieux. Messieurs, on revient dans un instant, bientôt 7h30. Météo, info, et on poursuit dans notre rendez-vous jardin. On parle des bouquets ce matin avec nos amis fleuristes et puis bien sûr vos témoignages, vos questions au 32-16. À tout de suite. RMC, votre jardin. RMC, ce week-end, les Formule 1 roulent à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Ce matin à 8h, les qualifs, et demain dès 7h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. La technologie pour Darty, c'est avoir une télé aussi interactive que son smartphone grâce à sa box internet et les applications Android TV. Et ça pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. La B-Box Miami de Bouygues Télécom, avec tous les services exclusifs Darty, est à prix anniversaire jusqu'au 31 octobre. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€ pour tout nouvel abonnement. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec RMC, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2 000€ d'achat, 200€ vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre a son grand âme dû consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store! Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. La météo sur RMC, c'est avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin, le sud-ouest et la moitié nord du pays se réveillent sous la grisaille et les nuages. Mais le soleil n'est pas bien loin puisqu'il devrait revenir dès la fin de matinée et laisser place à de belles éclaircies cet après-midi. On devrait également avoir quelques gouttes de pluie en cours de journée. Des averses très localisées concentrées sur les côtes de la Manche, les Vosges ou encore la Corse. Partout ailleurs, le soleil devrait dominer. En Méditerranée, attention au vent. On attend jusqu'à 70 km/h en rafale pour la Tramontane et le Mistral. Les températures, elles restent fraîches ce matin. Pensez à vous couvrir, ça caille un petit peu. Les minimales sont comprises entre 5 et 9 degrés. Les maximales, cet après-midi, entre 14 et 24. On attend 15 degrés à Strasbourg et Lille, 17 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Marseille et 24, la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah, Atlantique, quoi. C'est RMC, il est 7h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 4-1, il y avait du spectacle hier soir sur la pelouse du Stade de France. Victoire des Bleus du foot face à la Bulgarie. Payet, Griezmann, doublé de Gamero. Prochain rendez-vous avec les Bleus, ce sera lundi face aux Pays-Bas. Le sport, c'est aussi le rugby, le top 14. 8e journée ce week-end, le choc du jour. Il est francilien, Stade français face au Racing Métro. Deux référendums, deux nouvelles propositions du candidat Nicolas Sarkozy. Il était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Le candidat à la primaire, les Républicains, souhaite organiser deux scrutins dès la fin de l'élection présidentielle. Scrutin sur le regroupement familial et sur l'internement des fichiers S. Un coup de pouce fiscal, mais cette fois-ci à destination des associations. C'est Manuel Valls qui l'annonçait hier soir. Il souhaite d'ici le 1er janvier 2017 créer une sorte de CICE pour le secteur. Plus 1,6% l'augmentation du prix du gaz. C'est une information du Figaro. Augmentation effective au début du mois de novembre. Et cela concerne 7 millions de foyers. L'ouragan Matthew, il a perdu de sa puissance lors de son passage sur la côte est des États-Unis. 4 personnes ont malgré tout perdu la vie. Mais c'est en Haïti qu'il a tout ravagé. Près de 900 morts sur l'île et le bilan n'est que provisoire. C'est cet après-midi que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit. Le sort de la ville d'Alep en Syrie entre ses mains. Un texte visant à instaurer un cessez-le-feu doit être voté. Un texte russe sans la mention d'arrêt des bombardements. Ou plus ambitieux, le texte français, mais la Moscou refuse de s'engager. 7h31 sur RMC. Vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel, votre jardin. Merci messieurs. Thomas, et on vous retrouve un petit peu avant 8h pour un point complet sur l'actu. Ça sera juste avant les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon. Et tout de suite, on repart dans notre rendez-vous jardin avec Patrick et nos invités. On parle de fleurs et de bouquets de fleurs ce matin. Tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Attention, Miu-Miu, une petite question flash. C'est la question de Marie qui habite Brignoles. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à y répondre. Pour conserver plus longtemps mes bouquets, Patrick, j'aimerais faire sécher mes fleurs. Comment m'y prendre, s'il vous plaît? Alors, on peut pas tout sécher, déjà, il faut le savoir. C'est-à-dire que tout ce qui est gros, un gros dahlia, une grosse rose, etc., ça va pas donner de bons résultats. En revanche, toutes les petites fleurs, les camomilles, les gypsophiles, les graminées, les petites roses, ça peut être séché. Alors, qu'est-ce que l'on va faire quand on est un amateur? La plupart du temps, on va faire ce qu'on appelle un séchage naturel. En fait, il faut avoir une pièce bien aérée. Si vous avez, par exemple, un grenier où vous pouvez laisser un courant d'air, et ben, c'est tout bête. Vous allez regrouper 4 à 8 fleurs ensemble. Vous éliminez quand même tout ce qui est abîmé. Et puis vous mettez la tête en bas, donc vous attachez tout ça, vous laissez pendre. Alors c'est assez long, hein, il faut entre 7 et 15 jours pour que ça sèche correctement. Alors vous pouvez aussi vous tenter avec un micro-ondes. Alors ça c'est pour les toutes petites fleurs. Alors vous débarrassez les feuilles de la base, vous les enroulez dans un torchon, oui. Et vous les placez à plat dans un récipient en verre qui va au four, bien sûr. Et après vous mettez sur la valeur moyenne et vous faites fonctionner 2-3 minutes. Et après ça, bah, vous laissez aussi de nouveau suspendre pendant 3-4 jours et ça devrait donner des résultats. Alors on trouve aussi des matériaux déshydratants comme le gel de silice, etc., qui donne à ce moment-là un aspect un peu bizarroïde aux fleurs, ça fait un peu comme si elles avaient été écrasées. Ouais. Alors de temps en temps on mélange le gel de silice avec de la semoule de blé dur et on les met dans les autour de la fleur, donc on pose ça là-dessus et ça les déshydrate petit à petit. Donc c'est à peu près ce que l'on peut faire pour les plantes que l'on a au jardin. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? L'hortensia, par exemple, des petits hortensias, ça le fait pas mal. Alors tout ce qui est menthe, monnaie du pape, la nigelle, les œillets, tout ça, vous pouvez essayer de dessécher, pourquoi pas. Mais ce que vous disiez, les petites fleurs, hein, c'est mieux. Voilà. 32-16 hein, pour toutes vos questions jardin, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Et nous voilà repartis, 7h34. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Un excellent week-end avec nous. Vous aimez la Formule 1, eh bien sachez que vous allez être servi. Dans une vingtaine de minutes, vous retrouverez les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon avec Jean-Luc Roy et toute la Dream Team F1 d'RMC. Mais d'ici là, on poursuit ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan et nos invités. On évoque les fleurs et les bouquets de fleurs ce matin. Voilà, on a évoqué un petit peu la filière, comment ça se passe, etc. Je voudrais demander à Eric Grelier maintenant comment vous, François, nos auditeurs, quand ils arrivent dans... pour acheter des fleurs, alors s'ils sont pas conseillés par un professionnel, s'ils sont par exemple en grande distribution, comment on repère que les fleurs sont de qualité, qu'elles vont durer longtemps? Est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles on peut avoir l'œil particulier? Compliqué. Faut pas les acheter trop épanouis, par exemple. Ben, en fait, ça dépend parce que vous avez. Les marguerites, c'est toujours épanoui. Prenons les roses. Prenons les roses qui représentent quand même la base. On va dire un marché important. Il y a certaines variétés qui vont s'ouvrir assez rapidement, mais qui vont durer. Et il y a des variétés qui vont s'ouvrir tranquillement. Donc le stade d'ouverture. Donc c'est vraiment. Alors. Je ne me défausse pas la question, mais c'est vraiment ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un professionnel. Sur les 13 000, ils ne sont pas tous. Tous les médecins ne soignent pas bien. Donc chez les fleuristes, je pense qu'on a la même chose. Et là. Le prix joue un rôle parce que alors par exemple, le prix, vous parlez des roses, il y a des roses à 1 et des roses à 5 quoi. Alors le prix joue un rôle dans le sens où de 1 à 5 si on a la variété et le producteur qui va avec le prix ça doit justifier. Voilà. Benoît. Non, moi je veux dire au moment de l'achat, c'est compliqué de regarder la fleur et, oui. et de faire une opinion sur la qualité. Par contre, vous pouvez sortir la fleur et regarder la tige. Ah, en dessous. Ah, parce oui. que si elle est complètement obstruée, c'est-à-dire vert marron. Oui, c'est le marron. voilà, c'est que ça a traîné, etc. J'allais dire, les fleurs, elles ont besoin, et ça, c'est aussi pour les auditeurs, une question d'entretien pour que le bouquet tienne 7 jours, comme on a dit tout à l'heure. Elles ont besoin d'être recoupées régulièrement. Si vous avez des vases avec de l'eau propre et que vous avez des tiges qui, à leur base, sont plutôt claires, on a une fleur qui a plus de chances de tenir parce que, on n'a pas obstrué ses petits canaux et elle peut se nourrir correctement. Est-ce qu'il faut fendre la tige de la rose? Oui. Et oui, absolument. Et pour rebondir sur ce que dit Benoît, par exemple chez Oya, on a depuis l'origine le concept, on est en présentation de vases transparents. Parce que c'est aussi une organisation et un moyen de montrer d'être transparent. Oui, absolument, et de montrer la qualité de l'eau et la qualité des fleurs. Et effectivement, il faut les recouper en biseau parce que la fleur s'alimente par sa tige et obligatoirement au bout d'un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, tous les petits vaisseaux ça peut s'obturer et en s'obturant, ça ne s'alimente plus. Un petit centimètre. Et moi j'ai vu quelquefois. Vous parliez tout à l'heure de roses qui s'effondrent ou qui fanent au bout de trois jours, vous pouvez les recouper assez haut, les remettre à l'eau et elles repartent. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ça fonctionne très très bien. Et le conservateur est très important. Voilà, je voulais poser cette question parce que souvent, le fleuriste ajoute toujours un petit sachet. Là. C'est très important parce qu'il y a aussi une dimension un petit peu antiseptique. Qui vient nettoyer les pores et nettoyer les canaux d'alimentation de la fleur. Qui empêche que l'eau se croupisse plus vite, Ça joue surtout au niveau de la tige, au niveau de la, on va dire, de la qualité des vaisseaux. D'accord. Qui vont. Alors on lit souvent des tas d'astuces de l'eau de javel, du charbon de bois, etc. Je crois que le conservateur Benoît. Alors moi j'ai un toc. Je dois l'avouer aujourd'hui officiellement, je ne supporte pas un bouquet, ce qu'on appelle un bouquet bulle. Vous savez, cette espèce de poche d'eau. Cette poche d'eau. Oui. Parce que à l'origine, c'est un moyen de transport. Alors on emmenait les fleurs à l'hôpital et donc il y avait pas de vase, on mettait ça voilà. Et dans la réalité, les gens l'achètent parce que c'est facile. Oui, c'est pratique. Mais en fait, ça croupit à l'intérieur. Bien sûr. Donc je dis aux fleuristes, mais franchement, comment vous pouvez mettre votre savoir-faire, votre réputation, la promesse client dans un sachet de flotte qui va avec le temps, si le consommateur ne le sort pas de ça, ça va détruire la durée de vie. Or, dans la tête inconsciente, les fleurs c'est cher et ça tient pas. Moi ce que je veux dire c'est que les fleurs c'est hyper accessible parce que c'est un produit qui tient 7 jours. Allez regarder le prix d'une pâtisserie ou le prix d'un chocolat. Par rapport à la plante en pot, parfois c'est pas au profit de la fleur. D'accord, mais c'est une raison pour ça. Non, c'est une autre vocation. La plante en pot est un produit vivant qui va prendre de la valeur avec le temps, comme les arbres et la fleur est un produit orchidée qui va fleurir pendant des mois et qui va refleurir moins cher qu'un bouquet. Oui, mais le plaisir n'est pas le même. Vous avez des vins de garde et des vins qui se boivent de suite. En même temps, il y a le côté artistique quand même, ça on peut aussi en dire deux mots. On parlait tout à l'heure de Nova Flore à Tours. Là il va y avoir des artistes fleuristes et l'art floral c'est une réalité, c'est-à-dire que la mise en scène de la fleur ça compte aussi. Absolument. Alors ça c'est quelque chose que chez Oya on a compris et développé de suite, puisque l'enseigne s'est tout de suite positionnée sur une nouvelle collection toutes les 5 semaines. Donc ça veut dire que toutes les 5 semaines, vous avez un nouveau thème et une nouvelle collection à travers des bouquets, des compositions, en accessoirisation et en mélange de fleurs et plantes. Donc il y a des tendances en ce moment. Qu'est-ce qu'a le mode? Alors il y a à la fois les tendances que l'on crée et les tendances qui suivent la mode. C'est-à-dire que les tendances qui suivent la mode, on va partir sur des couleurs. Là, sur l'hiver, il suffit de se promener et voir que les roses et les prunes et les rouges vont être très présents, très forts. Alors que les roses, généralement, sont plutôt, on les retrouve plutôt au printemps et mois de mai. Là, on va sur un hiver assez rose. Et après, on se retrouve avec toujours les rouges à la Saint-Valentin, les couleurs. Quand on sort de l'hiver, on sent les gens qui ont un vrai besoin de couleurs. Ça, on le sent dans les magasins. On se dit, mais faut sortir de l'hiver et il faut de la couleur. Mais si j'étais désagréable, je dirais qu'on a l'impression que le monde de la fleuristerie reste très très traditionnel, alors qu'il y a plein de possibilités. Moi, quand je vois justement les concours floraux, ils mettent des plantes ou des, par exemple, on voit des branches de fruits sauvages, des choses comme ça qu'on voit jamais ou quasiment jamais chez les fleuristes. Mais il y a aussi des petites fleurs un peu sauvages de temps en temps. Alors il y a quelques fleuristes qui font ça, mais en majorité, c'est toujours la rose, le chrysanthème, le lys, etc. Mais vous n'êtes pas désagréable, c'est que sur 13 000 fleuristes, il n'y a pas 13 000 artistes, et que vous avez, c'est comme beaucoup de métiers, c'est devenu assez complexe, faut faire plein de choses, et la chance quand on est regroupé, quand on est sous enseigne comme on l'est nous chez Oya, ça permet aussi de travailler en amont et de proposer un certain nombre de tendances. Alors que quelqu'un qui arrive le matin dans sa boutique, bon, d'être en permanence à la pointe et d'être en permanence dans la tendance, ça peut être un peu plus compliqué. Donc vous avez vos propres designers. Absolument. Absolument. Messieurs, on revient dans un instant. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Et si on s'intéressait au métier de fleuriste? Voilà, exactement. Voilà. Comment devient-on fleuriste? Peut-être qu'on va susciter des vocations ce matin. Le 3216, jardin@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Megan, à l'aise dans tous les styles de jeu grâce au Multisense. Megan à partir de 229€ par mois avec EasyPack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pack tout inclus pour Megan Life Energy TCE 100. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, 15% de remise sur les radiateurs Equation à partir de 3 radiateurs achetés parmi les gammes Virtuoso, Alidea, Lirao et Esus. Garantie des pièces électroniques pendant 3 ans, incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours, panachage possible. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Jamais un politique n'a fait l'objet d'autant de questionnements. Le psychanalyste Gérard Miller lève le voile sur l'homme qui a su se cacher en pleine lumière. Nicolas Sarkozy, l'homme qui courait plus vite que son ombre, un document inédit dans le Mois politique, lundi à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez de prix imbattables comme le lave-linge phare 6 kg à 199,99€ seulement. Alors, qui fait mieux que les records à battre? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. La technologie pour Darty, c'est avoir une télé aussi interactive que son smartphone grâce à sa box internet et les applications Android TV. Et ça pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. La B-Box Miami de Bouygues Télécom, avec tous les services exclusifs Darty, est à prix anniversaire jusqu'au 31 octobre. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€ pour tout nouvel abonnement. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à condition et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. 8h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts et le jardin. Et en compagnie de Patrick Mélan et nos invités, on découvre le métier de fleuriste maintenant. Voilà, Patrick. Oui, moi j'aimerais bien savoir, je vais poser la question à Benoît. D'abord, comment on devient fleuriste? Est-ce qu'il faut absolument avoir un diplôme? Quel est le niveau d'études et la formation? Puis après, est-ce que fleuriste est un métier d'avenir ou pas? Alors, il ne faut pas avoir un diplôme pour être fleuriste. Donc je peux m'installer demain. Ce qui est un peu le drame d'ailleurs. Mais en tout cas, au Jardin des Fleurs, tous les fleuristes sont diplômés. Et en général, les fleuristes, pour être fleuriste, ils ont fait une formation. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Là, on vient de traverser depuis quelques années une période un peu de turbulence économique, hein, si on peut le dire. C'est plutôt un marché qui résiste. D'accord, mais qui résiste toujours. C'est quand on est jardinier, Patrick, je ne sais pas si vous connaissez un peu le jardin, mais quand on est jardinier, on dit on récolte ce qu'on sème. Voilà, d'accord. Exactement. Donc, je n'ai pas vu Eric Grelier, je pense, dans ses 25 ans de carrière aussi, je n'ai pas vu un professionnel qui est professionnel, sérieux, rigoureux et qui ne réussisse pas. D'accord. Oui, c'est-à-dire le sérieux est toujours récompensé. Il est toujours récompensé. Et puis alors, vous disiez que j'étais administrateur de la Fédération française de la franchise. Donc, dans le monde de la franchise et chez Jardin des Fleurs, on a des franchisés qui n'étaient pas du tout fleuristes. Alors, bien sûr, ils ont des équipes avec des fleuristes. On les forme à tenir un magasin. Mais pour des gens qui sont en reconversion. Donc en ce moment, c'est la semaine entrepreneur en franchise, d'accord ? Et donc ça s'adresse peut-être à des auditeurs qui sont en recherche d'emploi, qui ont envie de devenir entrepreneur et qui sont capables. Nous, on a des franchisés qui étaient directeurs de maisons de retraite, qui étaient dans la police, qui étaient voilà, et qui réussissent brillamment. Mais si je veux me lancer, il faut que j'ai beaucoup de sous ? Il faut un apport personnel. Mais pour Jardin des Fleurs, on est entre 70 et 80 000 euros. D'accord. Mais le vous savez, plus le local après, enfin plus le local, mais la question du financement qui est un autre sujet, si le projet est bon, il se finance d'accord. Si le projet est bancal, il se finance pas. Et on a des très belles réussites sur des gens qui à l'origine n'étaient pas fleuristes, qui ont une espèce de passion ensuite pour le produit et qui au bout de quelques années m'expliquent comment il faut gérer un magasin, ce que je trouve. Et un fleuriste peut bien gagner sa vie. Un fleuriste peut bien gagner sa vie. Alors, on n'est pas dans une émission économique, mais un magasin. Non, mais pour motiver, pour tous ceux qui nous écoutent. Un magasin correctement géré, j'allais dire sur un concept comme Jardin des Fleurs, c'est entre 5 et 8% de résultats nets. D'accord. Eric, quelle qualité il faut avoir pour se lancer justement dans le métier de fleuriste pour réussir? Je crois que comme dans beaucoup de métiers, il faut aimer le produit. Moi, je suis un homme produit, donc pour moi, ça passe par le produit. Après, il faut être conscient qu'on rentre dans le commerce, donc il faut aimer les gens. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, quand une personne revient en disant « j'ai peut-être eu un souci, mon bouquet n'a pas tenu », il faut, être produit et être aimer les gens, aimer les gens pour le retour. Voilà. Et après, je veux dire, c'est un métier d'entrepreneur comme un autre. Donc voilà, c'est surtout pour moi les deux points essentiels les plus forts. Et après dans les ouvertures magasins, donc ils sont fortement accompagnés. Et Oya va arriver à Paris dans un mois, donc ça c'est quelque chose important pour nous parce que le marché parisien est, je pense, est tout à fait en adéquation avec l'offre Oya. Mais je parlais de formation pour les jeunes aujourd'hui. Si on veut devenir fleuriste, il faut faire quoi comme filière? Il faut faire un CAP BP. Un CAP BP, ce qui est donc centre de formation CFA qui est donc il n'y a pas besoin d'avoir France, bac plus 30. Et on prend beaucoup d'apprentis. Et on prend l'alternance. Mais c'est vraiment un métier qui s'apprend sur le temps aussi. Ça fait partie du grand débat d'aujourd'hui sur l'apprentissage. C'est des filières et d'autres qui ont été un peu abandonnées et appauvries par manque de moyens, manque de ressources dans les centres de formation. Et on redécouvre que l'apprentissage, alors qu'on a des très bons résultats. Moi, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, on avait des contrats de qualification qui ont été supprimés, mais c'était extraordinaire. C'était un système en alternance qui formait très très bien. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci. Moi je suis ravi quand même de sentir qu'il y a de la dynamique, qu'il y a de l'avenir là-dedans. Donc je dis au revoir à toutes les jardinières et la bise à ma petite jardinière comme d'habitude la semaine prochaine. Et on sera là bien sûr entre 6h et 8h samedi prochain. Et dans un instant les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon avec Jean-Luc Roy et toute l'équipe. Salut Jean-Luc. Salut François, bonjour à tous. Effectivement c'est arrosé du côté du Japon aussi. En tout cas ça l'a été pour le début de la troisième séance d'essais. Libre. On va vivre dans 12 minutes maintenant la 17e qualif de la saison 2016 de Formule 1. Ça glisse, ça glisse. Ça a glissé. Ça glisse moins, mais ça a beaucoup glissé. Les essais dans un instant. Très bon week-end avec AMC. Et puis moi, je reviens tout à l'heure dès 9h pour, on va dire, une petite heure dédiée à la maison. À tout à l'heure. RMC Grand Prix du Japon, les qualifs. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est râpé. Comment ça c'est râpé? Je suis chez Lidl, et aujourd'hui ils font le sachet de 2 kilos de carottes à 99 centimes. Oh purée. Ah ça on peut le dire patron, et origine France, ça fait moins de 50 centimes le kilo quand même. Oh, tu m'as arrêté, oui. Désolé, mais là pour nous, les carottes, ben... Elles sont cuites, je sais, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.

en Floride. L'ouragan est resté au bord de la côte. Il a donc touché en début d'après-midi la ville de Daytona, qui est dans le nord de la Floride. Et ensuite, il a mis un pied sur Jacksonville. Et là, bon, il y a eu 1,5 mètre d'eau dans la ville. L'œil fait 20 km à peu près de diamètre. Et un bout de l'œil a touché la côte. Et avec ça, des inondations, si vous voulez. À l'heure que je vous parle, il y a 1 million de personnes sans lumière au nord de la Floride. Ici, les gens se barricadent chez eux, écoutent les informations des autorités. Tout le monde était très préparé. Les gens prennent ça très au sérieux ici. Xavier Capdevielle, joint ce matin par un iSense. La campagne présidentielle aux États-Unis et ses dérapages quasi quotidiens. Donald Trump au cœur de la polémique. Hier soir, c'est une ancienne vidéo qui ressortait. Le candidat républicain détaillait avec des mots très crus de quelle manière il peut tout se permettre avec les femmes dès lors qu'il est connu. Vidéo d'excuses publiée cette nuit de la part de Donald Trump dans laquelle il ne peut s'empêcher d'évoquer les frasques sexuelles de Bill Clinton, le mari de sa rivale. Deux référendums, deux nouvelles propositions du candidat Nicolas Sarkozy. Il était l'invité du 20h de France 2. Hier soir, le candidat à la primaire, les Républicains, souhaite organiser deux scrutins dès la fin de l'élection présidentielle. Scrutin sur le regroupement familial et sur l'internement des fichiers S. Malgré la fermeté du gouvernement, il ne désarme pas les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vaste mobilisation sur le site aujourd'hui. Plus d'un millier de personnes attendues alors que les autorités doivent procéder à l'évacuation dans les semaines ou les mois qui viennent. Et les militants comme Camille ont bien l'intention de se faire comprendre aujourd'hui. Le message, c'est de dire nous sommes là et nous serons là. Nous plantons nos bâtons aujourd'hui dans le sol de Notre-Dame-des-Landes et si demain vous venez attaquer la ZAD, eh bien il y aura de nouveau des dizaines de milliers de personnes qui viendront reprendre leurs bâtons et être présents sur leur terrain et qui résisteront ensemble. La manifestation d'aujourd'hui, elle est là pour dire on ne le laissera pas faire. Il y a des médecins qui se sont engagés à être là pour soigner d'éventuels blessés, des grimpeurs qui se sont engagés à être là pour monter dans les arbres en cas d'attaque, des agriculteurs qui mettront en jeu leurs tracteurs. Et c'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que cette lutte, elle est proprement indéracinable. Voilà les précisions de Camille au micro d'Anaïs Denet, 7h56 sur RMC. Avant de retrouver la Formule 1, on termine avec les courses. Le Quintet à Chantilly aujourd'hui et les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras vous conseille le 9 Relax Boy et le 2 Royal Vati. Brahim Aslou aime bien le 14 Je suis Charlie. Et Laurent Guédard jouera le 12 Kalina et le 5 Effet Ratus. 16h56, comme promis, la Dream Team, Jean-Luc Roy, Patrick Tambay, Louis Amar pour les qualifications aujourd'hui du Grand Prix de Formule 1 de Suzuka au Japon. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'ai envie d'une viande fondante, avec du caractère. Du vrai faux filet Michel, voilà ce qu'il vous faut. Jusqu'à ce soir chez Carrefour Market, la barquette de faux filet 3 étoiles origine France est à seulement 9,90€ le kilo. Ça tombe à point, vous me mettez l'eau à la bouche. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie. Crédité sur votre carte de fidélité. Viande bovine, faux filet, 3 étoiles à griller. La barquette de 5 pièces minimum, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. En ce moment, la Ford Fiesta édition 5 portes 82 chevaux est à 139€ par mois. La même chose avec une voix plus Hollywood. Ok, mec, écoute bien, c'est pas du pipi de chat, hein. La Ford Fiesta édition est à 139€ par mois sans apport. Voilà, encore plus. Avec clim, Bluetooth, GPS, jantes alu. C'est bizarre, mec, chez Ford. On n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation. LOA de 48 loyers, coût total si achat 11,365,56€. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre, si acceptation par Ford Crédit selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Ça fait combien de temps que vous avez envie de changer votre tapis, de vous offrir un nouveau parquet, une nouvelle moquette, de jolis rideaux? Avouez. Alors, il n'y a plus de temps à perdre. Ce week-end chez Saint-Maclou, profitez de 15€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat. Oui, 15€ offerts tous les 100€ d'achat sur les vinyles, tapis, moquettes, parquets, papier peint, rideaux, stores et même sur les carrelages et les peintures. Une bonne affaire qui arrive juste à temps chez Saint-Maclou. Offre valable du 6 au 10 octobre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Record à battre chez Conforama. Jusqu'au 25 octobre, des prix imbattables sur le meuble, la déco, le multimédia et j'en passe. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Alerte Coyote. Offre d'essai exceptionnelle. Testez Coyote, l'avertisseur en temps réel, gratuitement pendant 3 mois et sans obligation d'achat. 3 mois, oui, 3 mois d'essai gratuit. Sautez le pas et repartez sans payer. En exclusivité dans nos boutiques Coyote ou sur moncoyote.com. Coyote. Roulez en sécurité en gardant vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. En ce moment, avec les affaires Bricoman, la peinture acrylique matte de marque Onip est à seulement 69,90€ les 15 litres. Offre limitée à 1716 pots à partir du 7 octobre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop. Voir conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui ? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena ? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. 35 ans, ça se fête. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. RMC, Grand Prix du Japon, essai qualificatif. Jean Lucroy, Patrick Tambay, Louis Amar. Bonjour à tous, merci de vous être levé un petit peu tôt pour un samedi matin, mais ça vaut le coup, croyez-moi. Il est 8h pile, vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1, et nous allons vivre ensemble une séance qualif qui s'annonce bien pleine, bien complète, sur le tracé de Suzuka au Japon. Autant le dire, allez, le préféré des pilotes de Formule 1. Nous allons le vérifier tout de suite, où les conditions météo sont moyennes, d'ailleurs avec Louis Amar. Salut Louis. Salut Jean-Luc, salut Patrick, bonjour à tous. Et avec Patrick Tambay, bien évidemment, qui a de beaux souvenirs lui aussi du côté de Suzuka, ce superbe tracé. L'œuvre de Huguenholz, on s'en souvient, hein, Patrick. Konnichiwa, bonjour. Jean-Luc San. Konnichiwa, konnichiwa, Patrick San. Et Louis San. Alors, évidemment, l'inconnu, c'est la météo, je l'ai dit, Louis, parce que la troisième séance d'essai libre qui s'est terminée il y a 2 heures maintenant a débuté sur une piste humide. Oui, au point que quasiment tous les pilotes ont fait le choix de partir en pneus pluie tout à l'heure lors de la troisième séance d'essai libre. 4 d'entre eux sont même partis avec les pneus full wet, c'est-à-dire ceux réservés aux pluies diluviennes. Pour l'instant, la piste est redevenue sèche. Une éclaircie commence même à percer dans le ciel japonais. 23 degrés dans l'air, 26 sur la piste, 88% d'humidité et 30% de risque de pluie durant cette qualif. Et puis vous le savez, on ne peut pas revenir à Suzuka évidemment sans avoir une énorme pensée pour Jules Bianchi et toute la famille de Jules, à qui nous pensons très fort aujourd'hui. Jules, qui, vous le savez, avait connu ce terrible accident à quelques tours de la fin du Grand Prix du Japon. C'était il y a 2 ans maintenant. Allez, on revient à cette piste, Patrick. Je le disais, un tracé magnifique, un tracé vallonné, un tracé en 8, le seul